Mais maintenant, je laisse ma place à Jadoul pour son émission. Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non ? Jadoul, 20h-22h, sur Rire FM. Je vous dis bonsoir et je suis un peu plus calme que d'habitude car j'avais pas envie de défoncer le micro dès ma première parole dans cette émission. Donc je préférais l'ouvrir par quelque chose de moins poli comme le mot défoncer. Alors je vous souhaite la bienvenue sur Hilar FM. J'espère que vous passez une très très belle soirée à notre écoute. Kylian nous a fait le warm-up là, hein. il nous a chauffé ouais. Avant l'émission. Et je te souhaite la bienvenue ici dans Jadoul. Bah, merci, c'est gentil. Ça va ? Très bien, comme t'as d'habitude. T'as passé une belle après-midi ? J'ai été voir le match des Diables, pour tout vous dire. Donc les Diables, les Belges, quoi. Oui, on a compris, on n'est pas si bêtes que ça. Oui, il y a des gens qui ne savent peut-être pas les Diables, quoi, les Diables. Les Diables, ben, ceux pour transporter des caisses en carton. Voilà. Non, alors, moi je vous avoue, je suis pas fan à 100% de foot. J'ai pas eu le temps d'aller sur le grand écran de la région, là, mais j'ai par contre eu l'occasion de le regarder au bureau en même temps que de bosser. Quoique le bureau et le café, c'est un peu semblable, sauf qu'il n'y a pas les mauvaises odeurs de pochetron avec. C'est la seule différence, hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé le match. Honnêtement, je suis pas fan de foot, mais là, je dois dire, c'était assez sympa comme match. Et puis la Belgique, 5-2, félicitations. Allez. Allez, hein. Le pire, c'est qu'il est accoudé à sa table, comme au bistrot, quoi. Il est là, ouais, allez, hein, franchement. Oui, mais on a changé la disposition du studio, donc oui, cette position me permet de mettre de telle manière. Oui, je comprends. Si on traîne cela. Eh ben, voilà. Tout est dit. Et donc, en fait, comme on passe dans après-demain, on commence à être en quotidienne sur Hilar FM du lundi au jeudi, plus le samedi. On en a profité pour un petit peu bouger les tables, car je vous en ai parlé la semaine passée. C'est pas très pratique d'avoir toute l'équipe dans son dos. Donc là maintenant, je surplombe le studio avec vue sur tout le monde. Oui, et c'est effrayant. Hein. Moi, je vous le dis. Non, mais c'est cool parce qu'il est à 4 mètres de haut là. Je peux voir quand ils sont sur leur téléphone et tout ça, c'est sympa. Pour sévir. Bon, on peut toujours tourner, tu vois. Je suis caché derrière un petit écran là, donc. Il essaie déjà de trouver les enroules pour essayer d'éviter. Faut toujours trouver les enroules. C'est ça. Ouais. Dans quelques instants, on va avoir le point Coupe du Monde, savoir ce qui s'est passé dans ce mondial. Et également, on va faire un point sur Jean-Michel. Il est revenu de Russie. On va voir si ça s'est bien passé son retour en Belgique. Ah et oui, c'était grave la semaine passée. C'était grave, oui. C'était très grave. Et savoir un petit peu où il en est dans sa tête. Bon. Et vous avez été très nombreux à nous faire des retours positifs concernant le canular qu'on a fait la semaine passée avec tous les Jean-Michel de Belgique qu'on a appelés. C'était juste dingue. Et le gars dépressif. Ouais. Au début, il était dépressif. Puis après, il est. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais il est devenu méchant d'un coup. Enfin, pas méchant, mais. Bah, ça c'est votre baratin. Ouais, hein. Votre baratin. Mais on vient pour vous aider. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. On en essaiera peut-être d'en rappeler. Je sais pas du tout à quoi va ressembler cette émission, je vous le dis. Car j'ai bossé en fait toute la journée sur l'habillage de l'émission. Car durant les deux semaines qui arrivent, les 20 heures de direct, on va un petit peu adapter l'habillage. Évidemment, on va pas dire tous les samedis Jadoul, et ben, alors qu'on est le lundi ou le vendredi. Ouais, c'est vrai. Ah non, le vendredi, on n'est pas là. Mais voilà, il fallait adapter l'habillage. On a fait un habillage très sympa et franchement, je me suis tordu de rire tellement il est drôle. Je ferai écouter hors antenne le jingle à Kylian et on vous garde ça en surprise pour après-demain. En tout cas, tu seras là, Kylian ? Bah, je serai là et les auditeurs aussi, ou sinon ils ne pourront pas. Ah, mais il y a intérêt de toute façon. Bah. Et voilà, on vous racontera un petit peu nos anecdotes de vie d'ici quelques minutes. Mais d'abord, on va s'écouter un titre pour se chauffer et comme ça, le bonjour est fait, je pense. Je pense aussi. Tu peux faire passer un message si t'en as un. Alors, si vous nous écoutez, partagez, faites-nous découvrir à tout votre entourage, car on est là pour ça, on est là pour vous divertir de la meilleure manière. J'ai juste cru que t'allais nous faire un truc à la Elie Semoun. Bonjour, je cherche une femme à forte poitrine. c'est vraiment le style, quoi. Non, je compte pas faire ça. D'accord, ok, y a pas de souci. Bien, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute tout de suite Peace, la fameuse chanson que je vous ai fait découvrir il y a 2 semaines dans cette émission, Mushroom Cloud. J'arriverai jamais à le prononcer, j'arriverai jamais. Je sais pas ce que j'ai. Allez, on s'écoute. Allez, ça bien, tout de suite. Sur la RFM, je l'adore, je suis complètement fan. I wanna be happy. Et comment va Kylian ? Eh ben, toujours bien. Et avec ce temps-là, je peux que aller bien. Ah ben oui, je peux comprendre que ça aille bien avec un temps comme ça. À quelle heure vas-tu nous faire ton point Coupe du Monde ? Alors, je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Quand sera-t-il prêt? Pas en fait, directement. C'est ça, là, question. Directement, je suis pas encore à 100% prêt, disons. Je peux comprendre. Mais dans le courant de. Dans le courant 2018, ça voilà, devrait aller. À peu près. Dans la semaine, il y aura peut-être une chance d'avoir un truc, non? Non, alors, où c'est que l'on peut retrouver les radios digitales d'Hilar FM? Bah, bien évidemment, sur le site internet Hilar FM, www.hilarfm.com. Tout à fait. Et parmi celles-ci, on peut retrouver notamment la web radio de tous les meilleurs moments de cette émission, mais également mon petit bébé, ma web radio Hilar FM. Petit bébé. La web radio Hilar FM. À la plage, avec que des musiques 100% plage, et d'ailleurs par la même occasion, vous pourrez découvrir l'artiste que je soutiens à 100%, mon ami Pimple Goes, qui fait vraiment des trucs assez sympas. Et c'est nouveau d'ailleurs, la plage. Hilar à la plage, oui, c'est une nouvelle web radio qui vient d'arriver, et vous êtes déjà beaucoup à l'apprécier, car c'est une des web radios sur le site qui est la plus écoutée, donc on vous en remercie. Et attention, oui, on me rappelle, je ne peux pas dire web radio, mais on dit radio digitale en France, pour des raisons de CS. Bon, alors, des poissonniers. Ah oui, c'est les news de la semaine. Oui, si je commence à remettre le jingle. Alors, des poissonniers. Sur le site Hilar FM. Le mec, il se croit au café, il raconte sa vie. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser. Censé écrire le nom latin. Voilà, c'est assez marrant. C'est pour ça que je vais mettre sur ton bureau maintenant Kylianus. Merci. Ah, mais ça vient du latin. Ouais, mais Kylianus Propus. Oh là là, quelle horreur. Tu dois toujours te ramener à ça, toi. Et toi, c'est quoi alors? Thomanus? Non, Tamus. Tamus. Jadulitus. Jadulus. Alors, il y a un truc que j'ai testé. On change de sujet. On n'a pas une virgule pour qu'on montre qu'on change de sujet. Ouais, ça va aussi. Alors, c'est une extension sur Chrome, c'est juste exceptionnel, je l'ai téléchargé moi-même au bureau et j'ai trouvé ça trop drôle. En fait, quand vous vous baladez sur Twitter, ça change partout le nom d'Emmanuel Macron et ça le remplace par Manu. Et Manu. C'est juste hilarant car au final, c'est un petit coup qu'on porte à Emmanuel Macron avec son altercation avec un jeune là qui a été un peu traumatisé par le recadrage du président. Ah oui, j'ai vu ça. Donc c'est pour ça, c'est pas il avait dit c'est Monsieur le Président Emmanuel Macron. C'est normal qu'il dise ça. Oui, mais t'appelles pas un président. Je veux dire, c'est pas ton ami, c'est pas. C'est sûr. C'est comme celui qui dirige le pays, quoi. Mais voilà, ce qui a été drôle, c'est qu'ils ont créé quand même toute une extension qui permet de changer le nom d'Emmanuel Macron en Manu. Et si vous êtes sur Firefox et non sur Google Chrome, eh ben ça peut changer carrément dans les mails. Donc vous allez vous balader dans vos mails, vous recevez un mail, je sais pas moi, d'un site internet d'information, genre Sud Presse, et vous ouvrez Emmanuel Macron, et là ça change et ça met Manu était en visite. C'est trop drôle, c'est juste bien foutu, et voilà. Par contre, je soupçonne l'application de nous piquer des infos personnelles, c'est pour ça que je l'ai supprimé. Donc faites gaffe avant de la télécharger. J'attesterai pas, moi. Kylian, ça se passe comment quand t'as un ordinateur? Moi, quand j'ai un ordinateur, ça dépend, parce que j'en ai eu plusieurs dans ma vie. Et ils ont tous décédé pour la même raison. Bon, c'est pas exactement des têtes de mort qui sont affichées, mais c'était carrément des gens en cam. Je veux dire que Kylian, il peut même pas se connecter sur Facebook sans avoir un virus. C'est ça, quoi. Mais en fait, le problème, c'est quand je télécharge des musiques, en fait, je pense que ce qui est illégal, évidemment, il faut évidemment acheter les musiques et pas les télécharger. Mais bon, si ça arrive. Exactement. Oui, mais ça m'est déjà arrivé, bien évidemment, comme à tout le monde d'ailleurs. Oui, tout le monde télécharge. C'est vrai que mettre tous des albums dans ses poches, ça fait beaucoup. Donc parfois, quand on trouve pas, tu peux acheter ça sur iTunes. Oui, c'est vrai. Mais moi, je n'ai jamais été sur iTunes de ta vie. Non. D'accord. Bah c'est cool parce que tu pourrais écouter ton podcast de ton émission sur iTunes, mais c'est pas grave. Oui, mais moi je vais sur le site internet. Ah oui, c'est pareil, oui. Bam, alors là, hein, le gars il m'a dit 1-0. Voilà, et bam. 5 euros. Ça, c'est fait. Bon, je t'écoute. Et donc, non, mais je disais, oui, ça arrive, comme tout le monde télécharge. Mais bref, malheureusement, et donc pas... les virus. Quel virus? Ah oui. Oh oui, maintenant, si tu me. Oui, ok. Et donc, oui, bah, généralement. Kylian va-t-il réussir à faire une anecdote complète sans s'égarer? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Question de la semaine. Attention, c'est la question de la semaine. Est-ce qu'on fait une question de la semaine là-dessus? On pourrait. On pourrait, effectivement. Mais comme je ne sais pas où est le jingle, je te laisse continuer. Non, mais d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé, mais je crois que t'étais... c'était sur le premier PC, je crois, que j'ai eu, et t'étais d'ailleurs dans la conversation, parce que c'était une conversation entre nous deux. Et il y a quelqu'un qui s'était interposé entre nous deux. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles. Non, je m'en souviens pas. Que je te parlais, et à un moment, enfin, j'ai reçu un message, et je dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Je dis, mais je t'ai rien envoyé. Et en même temps, il y a l'autre message qui revient. Du coup, j'ai fait, c'est quoi ça? Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait un petit problème. Un petit piratage. Et du coup, tu m'avais dit d'éteindre le PC. Enfin, tu sais, l'éteindre net. Bah, ce que j'ai fait, je l'ai éteint complet. Oh, plus rien, j'ai débranché. Bah, moi, non, c'est ce que j'ai fait en tout cas. J'ai tout débranché. J'ai enlevé la batterie. J'ai tout enlevé, tout ce que je pouvais. Moi, une fois au bureau, j'ai été piraté. C'était à TMS Prod, hein, la société de production qui produisait cette émission-ci. Qu'on aime. Qu'on aime beaucoup. Les gros faillots ici. Ouais. On passera par la compta. Voilà, c'est ça, et on aura un petit bonus. Bon, d'ailleurs, à propos de ça, on peut peut-être te rappeler. Hilar, c'est bien le nom. Ouais, aussi, ouais, c'est du groupe, alors on peut. Et donc, au bureau, en fait, à un moment, ma souris commence à se dépasser tout seul sur l'écran, et je pensais que c'était TeamViewer ou un truc comme ça qui se mettait en route. Et en fait, non, c'était vraiment un piratage. Alors, du coup, moi, malin comme je suis, j'ai débranché juste le câble Ethernet. Donc... Il a débranché sa souris. Donc la tour était plus alimentée avec internet, donc le pirate savait plus rien faire. Ouais. Et donc j'ai pu, avant que lui clique là où il fallait pas, commencer à supprimer tout ce qu'il m'avait installé. Et j'ai purifié le PC à 100%. J'ai passé, je pense, un jour complet à retirer tous les logiciels malveillants. Parce que c'est quand même dingue, parce que les logiciels malveillants, ça peut aller jusqu'au fait que même quand tu cliques sur ton bureau sur une icône, il y a un petit script dans l'ordinateur qui fait que ça ouvre une pub. Automatiquement, ça ouvre un navigateur avec une pub, t'as que des pubs partout. C'est ça que j'ai. Bravo. Mais ça, c'est un cas extrême. Eh oui, moi j'ai ça. Genre je vais sur internet, j'ouvre à peine bah tu sais sur le PC portable que j'ai. Ah ouais. J'ouvre à peine internet et j'ai directement une autre page qui s'ouvre. C'est pas du tout angoissant. Et le son aussi, je pense, c'est ça. J'ai déjà eu des problèmes de son, oui. Parfois, t'as l'impression que la caméra s'allume. Là, t'as un petit problème, toi. Alors, genre, tu t'essayes de cacher la caméra parce que tu te dis qu'on peut t'observer. Et une fois, ça m'est arrivé que je montrais donc une vidéo du coup à ma sœur. Non, ma cousine, et elle a vu l'autocollant sur le truc, elle fait, attends, t'as regardé du porno, hein. J'ai fait quoi? Mais ça n'a rien à voir. Et donc, bon, bah, je me suis fait un peu passer pour un con, donc voilà. C'est pas grave. Oh non, c'est pas grave, c'est non. L'habitude. Merci, ça s'est fait. Non, mais. Je passe par là pour sortir, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, ce que je disais, c'était que, voilà, c'est un cas extrême, et ton PC, je pense, non, ton Mac, il a le son qui s'augmente tout seul d'un coup. Ouais, mais ça s'est réglé. C'est réglé. Ça s'est réglé. C'était bon, juste moi qui avais la main sur le clavier. Non. Maintenant, peut-être qu'il est toujours hacké et qu'ils ont réglé eux-mêmes le problème. Parce que aussi, ça leur pétait les oreilles. Non, mais c'est vrai que au tout début, mon Mac avait le son qui s'augmentait et diminuait tout seul. Donc, c'est pour ça que quand t'écoutes de la musique, donc tu sais, tu la mets bien à fond. Oui, parce que j'écoute la musique à fond. Et puis là, avant de s'endormir, tu vois, il écoute des trucs hardstyle avant de s'endormir. Il est juste dingue. Il a deux enceintes énormes, mais des enceintes de 60 cm de haut, de chaque côté de son lit. Il met la musique à fond. Ah, je vais bien dormir là. Les oreilles en chou-fleur. Et donc, tais-toi. Non, mais donc du coup, bah, je voyais de la musique qui se baissait comme ça. C'est vrai que c'est assez désagréable quand tu touches à rien et que tu vois ton PC qui bouge tout seul. Tu fais ok, bon bah, pourquoi pas. Le pire, c'est que j'étais chez lui et il fait attends, je vais te faire écouter un truc. C'est parti. Je devais me battre avec le clavier. Non, tu diminues. Non, mais non. Et le pire, c'est que quand il avait mis le son normal, on écoutait, on était fort concentré dans le son et bam, le volume à fond. Un truc de dingue, mais il y a juste toi pour avoir ça. Mais c'est fou. Et surtout que voilà, tu peux perdre des fichiers et tout, c'est juste complètement mal. Alors, une fois, il y a un an, il était venu ici au studio. Et alors, il dit attends, bah, j'ai pris mon PC avec, c'est cool, comme ça je pourrais bosser dessus. il bosse. Il dit je mets tout sur une clé USB, ok. Il dit tiens, prends ta clé USB, branche-la sur ton PC. Moi je fais ça je branche pas dans mon PC. Les virus, tu te les gardes. C'est juste le meilleur moyen de contamination, donc. Donc voilà. C'est bien, ça fait un petit point info. Ça fait un petit point info. Ah oui, d'accord. Tu structures l'émission toi-même, toi. Mais non, mais c'est vrai, ça fait un petit point info sur les virus, comment ça peut se propager. Et... D'accord. Non, on n'a pas dit comment on pouvait éviter. Non, mais je veux dire, faire attention aux clés USB. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'était la minute info. C'est la minute info. Merci. Non. Alors en fait, surtout comment lutter contre les virus. Vous allez me dire, ouais, y a pas de souci, on met un antivirus. On va chez le médecin. Mais non. Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Étant donné que, enfin, vous pouvez. Mais un antivirus, déjà, quand il est gratuit, il est pas efficace à 100%. Et un antivirus, ça ne dit pas, tiens, ce fichier il est mauvais. Il va juste dire, ce fichier là, qu'est-ce que c'est. Il va regarder dans une base de données avec tous des fichiers qui pourraient être suspects et même des fichiers qui ne le sont pas sont suspectés. Comme des virus. Voilà. Donc, faut donner directement vos mots de passe, comme ça ils ont plus facile et ils vous embêtent pas à faire plein de conneries. Non, le meilleur moyen, déjà, un, c'est pas de télécharger de musique en ligne, c'est déjà illégal. Et le suivant moyen, si vous le faites quand même, c'est de passer par des sites libres, pas des sites publicitaires, car tout simplement ça ouvre des fenêtres malveillantes et ces fenêtres malveillantes-là téléchargent sans votre avis des choses ou même parfois de manière complètement discrète. Et surtout, ne téléchargez jamais. Et là, je suis bien formel là-dessus. Donc jamais vous installez de logiciels pour télécharger des musiques car c'est inutile. Vous comme pouvez moi. Tout faire en ligne. Si vous téléchargez un truc genre YouTube downloader ou des logiciels comme MP3 machin, ouais. C'est juste de l'arnaque. Il faut juste passer par des logiciels libres en ligne. Si jamais vous faites ça de manière illégale, ça vous évitera de payer 400 balles à un nouveau PC ou tout simplement l'amende de 150€ pour téléchargement illégal. Et encore plus facile pour n'avoir aucun virus, il suffit d'écouter la web radio Hilar FM, c'est tout. Voilà, aussi. Mais ou soit d'habiter chez Kylian qui n'a toujours pas internet chez lui. Non, chez... Oui. Oui, voilà. En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. D'un côté, j'ai internet, pas de l'autre. C'est vrai que ça s'ennuie. C'est ennuyant, donc il est tout le temps sur sa 4G. Et la 4G, ça pompe. Voilà. Et donc, le premier du mois, il est « Ouais, j'ai de la 4G !» Je le retrouve deux jours plus tard, le 3, en train de faire « J'ai plus de 4G !» Passe-moi ton téléphone. C'est vraiment ça. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'il y a des esprits ici. Il y a des trucs qui se lancent tout seuls. Je te l'ai dit tantôt. Tu me croyais pas. On va faire un petit point un petit peu paranormal d'ici quelques instants. Kylian a vécu des choses un petit peu d'un autre monde. Donc on va essayer. Il est né. C'est d'une autre planète, ça c'est pas pareil. Bah d'un autre monde, c'est une autre planète. On va vous faire un petit point là-dessus. On va faire un gros dos sur tout ce qui est paranormal. Ça va être la question de la semaine, comme ça on va en faire une. Et on va surtout revenir sur la cassette de la semaine passée. Est-ce que tu t'en souviens, Kylian ? La cassette ? Non, personnellement non. Eh ben, on va la réécouter et on va donner la réponse tout de suite. Mais je sais que c'était bien. Ok, bah c'est super. Alors je te propose de la remettre dans le magnétoscope. Hop, tiens. C'est parti. Le suspense est entier. Je sais pas pourquoi j'ai fait un truc de pape. Kylian, peux-tu lancer la recherche dans le standard afin de savoir s'il y a des bonnes réponses? Et pas de souci. Hop, c'est parti. C'est en route. Je vois qu'on a un gagnant au standard qui nous a laissé son numéro de téléphone. On va l'appeler hors antenne pour essayer d'avoir ses coordonnées afin de lui envoyer le cadeau qu'il aura choisi dans la vitrine au cadeau de Jadoul. Oui. Et je te laisse t'occuper de ça, Kylian. Tu es notre community manager, alias le standardiste. Alias Hercule Poirot. Voilà. Et donc la réponse qui a été trouvée dans le SMS avec son numéro de téléphone, c'est Love Song de Zach Abel. Tu connais Zach Abel. Voilà, c'était ça, la cassette de la semaine passée. On va s'écouter la nouvelle cassette juste après ça sur Hilar FM. Nous vous souhaitons une très belle soirée. J'ai bouffé complètement l'intro, c'est pas grave. I guess this is what you get. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. J'espère que votre soirée se passe bien, en tout cas de votre côté. Et nous, d'une autre, c'est nickel. Kylian est en train de peaufiner les infos concernant la Coupe du Monde. On aura ça dans quelques instants. Mais d'abord, je suis en train de laver mes lunettes que je me suis mis plein de Fanta pendant la. De vous parler de ça. Je suis en train de faire le lancement pour la musique. Et lui, pouf. Et il a sa boisson à l'orange pétillante. Voilà. Qui a été dans sa tête avec. Enfin, sur mes lunettes plutôt. Alors, la seule chose qu'il trouve à me dire, il fait oh, ah, ça pétille dans le nez. Mais c'est vrai, genre ça se prêchait. En parlant de ça, j'étais du côté de. Un peu plus loin qu'Otigny hier. Et il y avait la célèbre marque de Coca-Cola qui fait des boissons pétillantes à l'orange, qui commence par F, qui distribuait gratuitement des canettes. Ah. Et nickel. Alors évidemment, ils te les ouvrent déjà pour que tu les bois devant eux. Et ils les boivent devant toi. Et alors en fait, ils proposaient. Donc def normaux et également une nouvelle boisson qui venait de sortir. Alors moi je dis ok, le Fanta je connais, je suis pas fort fan. Est-ce que je peux On a rien entendu, t'as attaqué. Ça fait 3 minutes que je me casse le cul à essayer de pas dire la marque. Et là rien qu'en faisant un dialogue je me le plante, je me grille. Et en plus il se rend même pas compte. Ah oui, alors je prenais le bon 5 balles que Fanta nous doit. Voilà, alors maintenant qu'on l'a dit, c'est pas bien grave. Donc je dis à Fanta, et bon bah écoutez, je connais le Fanta, bon c'est pas ma tasse de thé, vous en aurez pas le nouveau justement que je le goûte. Ah non mais monsieur, comprenez bien qu'on peut pas vous le donner car on essaie d'épuiser d'abord les Fanta normaux et après on fera goûter les nouveaux. Moi je dis bah le but de l'opération c'est de vous faire goûter le nouveau. Mais bon hein. Ok. Mais il était peut-être pas au courant ou je sais rien. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais que pour une opération de com qui soit ouais, là, c'est bête. C'est vraiment bête. Parce que le but, c'est justement de. Oui, bah de faire goûter le nouveau. Voilà, c'est pas de vider les fonds, quoi. Enfin, sauf si c'était pas. Je sais pas. C'est bizarre. C'est très bizarre. Je vais vous parler d'un truc complètement fou. C'est encore une news de la semaine. Est-ce qu'on peut lancer le jingle? Ouais, vas-y, tiens, je te le lance. C'est parti. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Un petit garçon au Canada appelle la police. Devine pourquoi? Je sais pas, tu l'as appelé? Il a eu peur. Non, je sais pas. Ça doit être drôle. Oui, il a 12 ans. Il a 12 ans. Il a perdu ses Lego. Non. Il a perdu un truc? Il a rien perdu. Ah. Il a perdu, bah, il a gagné un truc. Non, il a rien gagné. Ah bah alors, je sais pas. Il appelle la police car il était pas fort enthousiasmé par la salade que la personne qui le gardait lui a servi. Et il a appelé le 911, le numéro local de la police, à deux reprises pour demander aux forces de l'ordre d'intervenir car il n'a pas eu ce qu'il voulait pour manger. Et croyez-moi bien, il a eu un petit sermon de la part des autorités compétentes. Donc voilà, un peu spécial comme appel. Mais allô? Non, je suis pas content, hein. Non, il s'est garé comme un pied celui-là. Moi, j'arrive pas à sortir de mon garage. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais appeler quelqu'un, appeler la police parce que la salade n'est pas à son goût. Ouais, je suis pas fan. Bah, moi non plus. Enfin, disons que si c'est un petit, quoi, bon, ça passe. Quel âge tu dis? 12 ans. Ouais, alors dans ce cas-là. Dans ce cas-là, oui, mais il est quand même censé. Bon, après. Oui. Ce qu'il voit à la télévision, je sais pas. Là, c'est les réalités. Ouais, je sais pas. Non. Mais la télé-réalité au Canada, je t'avoue, j'ai jamais vu. Non, bah non. Ça devrait être marrant, hein. L'accent. Ouais, non, je comprends pas, l'eau. Il m'a encore embouté. Ta mère, moc. Ça doit être génial. Les disputes dans des espèces de villas, ça doit être marrant quand même là-bas. J'aimerais juste voir ça. Tiens, on se renseignera, voir si ça existe. Oui, on en avait eu. C'est juste dingue. Alors, la France va battre le Pérou. Avec quelque chose de dingue, j'espère que tu pourras deviner, car moi je trouve ça juste dingue. On va partir pour 30 secondes, j'espère que tu sauras trouver ce que c'est. Bah déjà qu'ils les ont battus au foot dans la semaine, donc oui, je ne sais pas. À la nourriture, non? Au nombre de... Je suis con. Non, attendez, je suis juste très très bête. Bah oui. On m'a mis une actualité sous les yeux, sauf que j'ai pas lu la date. Et en fait, c'est juste une tortue qui a dit que la France va battre le Pérou selon la tortue. Alors du coup, moi j'ai rien compris à ma vie. Comme j'ai pas préparé l'émission, j'ai lu le truc en mode, qu'est-ce qu'ils ont fait pour battre le Pérou? Je me disais bien qu'il y avait un truc qui était... Parce que le France-Pérou, c'était... Je suis désolé. Mais c'est pas grave. Petite note aux équipes. Ça peut rappeler justement, ça reste dans le thème de ce qu'on va parler tantôt. Et la France a battu le Pérou. De ce qu'on va parler tantôt. De ce qu'on va. Moi, je parle français comme veut. Voilà. Et si tu veux, je te fais en plus la carrosserie de la voiture et après on arrange. Et coin coin, j'ai la femme et touche, hein. Oh là là. Un agriculteur sympa moissonne son champ pour qu'un ULM redécolle. Donc en gros, un ULM, ça c'est à force de bosser, un ULM était en train d'atterrir dans un champ de blé et en fait l'agriculteur était sympa et il a dit bon bah voilà, pour décoller vous avez besoin d'espace, de place, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tondre tout le champ, et il a tondu tout son champ pour que l'ULM puisse décoller. C'est sympathique ça. C'est vachement sympa. Il t'a pas croisé dans le champ en train de courir, non? Non, il a peut-être croisé Jean-Michel, mais c'est pas moi. Ah oui, Jean-Michel. Mais ça fait longtemps ça qu'il avait été dans le champ avec sa femme. Ouais, ça va faire 2 semaines. Qu'il était tombé, qu'il s'était pris une branche. Ouais, c'était dingue ça. Ah là là, c'était exceptionnel. On va parler du bac dans quelques instants, une actualité complètement insolite à ce niveau-là, et on va voir s'il y aura beaucoup de choses intéressantes. Mais d'abord, on va faire le petit point info sur la Coupe du Monde. Oui, Kylian ne me regarde pas comme ça, il est l'heure. Mais oui, il est l'heure en soi. C'est juste que tu m'as formellement interdit de regarder des informations lorsqu'on faisait la radio. Alors, je suis gentil. Comme, faut avouer, à moitié pardonné, je vais faire un jeu des 5 mots juste après la musique. Donc ça te laisse une musique. Jeu des 5 mots, donc je dois jouer en même temps. Non mais attends. Ah oui, ok. Je te laisse une musique. On joue tous les deux au jeu des 5 mots. À ce moment-là, tu seras déjà prêt. Et ensuite, on fait ton point info. Ça marche. Ça te va? Ça me va. Bah tu vois, quand tu veux. Je suis juste ultra méchant. Oui, je l'avoue. Et vous êtes témoins, tous. Oui, c'est ça. Moi, je suis très très très gentil. Et bien sûr, on va être hilar. Bah, voilà. Hein, merci Pierre. Merci beaucoup Pierre. De toute façon, ils souffriront si jamais j'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas vous allez me boucher ça tout de suite. Voilà, merci Jeanne. Jeanne? Non, j'en sais rien. Mais on a dit merci Pierre avant, je dis merci Jeanne. D'accord, ok. Mais l'autre c'était Pierre Richard, il y avait une raison, mais là ça n'a aucun intérêt. Bon, bref. Il faut faire semblant. Je ne comprends pas, je ne comprendrai jamais cette personne. Qui êtes-vous? Je ne sais pas, mais je connais des grands dans la police. Ok, c'est pas grave, on se retrouve juste après ça sur LRFM. Passez une belle soirée. Et tout de suite, on s'écoute ici dans cette émission. Le titre qui cartonne sur la web radio Hilar à la plage, c'est Just Need Your Love de iPhone. On va vous briefer dans quelques instants sur la semaine de dingue qui arrive pour Hilar FM. Et l'émission, ça va être juste complètement dingue. On aura beaucoup, beaucoup de choses dans cette semaine d'émission, les 10 heures de direct. Et on aura un invité spécial jeudi, je pense, c'est ça? Exactement. Eh ben voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui va se passer. Et l'essentiel, c'est que vous nous suivez et on vous fait confiance car vous êtes les meilleurs auditeurs. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Vous êtes bien ici à la maison dans votre émission qui est là pour vous, qui ne vous lâche pas. 20h41, il est l'heure de faire un petit point sur notre coupe du monde, notre mondial. Mais d'abord, le jeu des 5 mots. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Est-ce que tu es prêt, Kylian, à jouer contre moi? Eh ben ouais, vas-y, vais péter les mots, vas-y. Le gars a craqué en direct. C'est parti, on peut y aller? On y va. À ton top. Top. Voilà, c'est quelque chose que les astronautes ont sur la tête. Un casque d'astronaute. Oui, mais ça s'appelle comment? C'est vrai? C'est un nom? Oui. Un casque astronomique. C'est vrai, moi, un casque, ça commence par S. Mais non, ça c'est ceux qui vont dans l'eau. C'est pareil pour les. Dans l'eau ou dans l'air, hein, c'est pareil. J'ai oublié maintenant. Suivant. Ah non, pas suivant. Je passe. Je veux faire un appel à un ami. Je peux pas faire un appel à un ami. Ah ben, allez, c'est parti. Appel à un ami, vas-y. Oui, hello. Hello. Bonjour, monsieur Ledoux. Oui. Qui est à l'appareil? Kylian. Ah, je n'ai pas. Ah. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas changer d'amis, non? Qu'est-ce que vous voulez, alors, monsieur? Alors, il faudrait... Donc, comment appelle-t-on déjà? Les astronautes, ils mettent un casque sur leur tête. Vous savez, de mon temps, les astronautes, ça n'existait pas, d'accord? Très bien, alors... très bien. On peut le faire passer ailleurs, s'il vous plaît? Ça... Tu veux qu'on le sorte de l'antenne? Oui, on le sort de l'antenne. Allez, c'est parti. Non, merci. Alors... Trop sympa pour la personne. Attends, ça m'est... en plus j'ai le mot au bout de la langue. Attends. Et comment ça... Ne bouge pas. Non, mais tu regardes pas sur internet. Hein. Mince. SC. Oui, mais oui. A. Scatophile. Scaphandre. Scaphandre, mais oui. Mais moi, l'image du scaphandre, j'ai été le. Bah, ceux qui vont dans l'eau. Enfin, avec. Aussi, avec oui, les mais c'est pour les deux. C'est possible. Voilà. Et comment on appelle un atterrissage en mer? Un scaphandrier. Non, on repart pour 30 secondes. Un atterrissage en mer. T'appelles ça un crash? Non, vas-y. Oh la vache. Un atterrissage en mer. Oui, atterrissage. Eh ben, amérissage. Bonne réponse. Pom, le gouda. Il y a du gouda devant moi. Il a craqué. Bon, là, t'as plus le temps pour faire un autre mot, c'est déjà cuit, il va y avoir le gouda. Si, vas-y, un dernier, vas-y. Le dernier mot? Oui. D'accord, très bien. On m'utilise pour... Ok. Le sale type. Allez, encore, allez, on recommence, enfin, on termine. Tu sais que t'as eu quand même 1 minute 10, là, de temps. C'est censé être 30 secondes, à la base. Amérissage. Oui. Ah bah écoute, on monte le niveau. Non mais c'est bien, j'aime bien. Ah bah voilà, alors ça va. On va faire ton petit point Coupe du Monde là tout de suite maintenant en direct sur LR FM. Est-ce que tu es prêt? Eh bah je suis prêt. Ah bah alors enfin, si j'espère. Tu me laisses prendre le temps d'avoir mon jingle et tout ça. Attends, je vais y réfléchir hein, parce que... Je ne suis pas sûr parce que je t'aime pas beaucoup tu vois. Dis-moi, mais je vais d'abord... Oui. Tu as ramené une tasse TMS et je trouve qu'il y a beaucoup de mousse dans ce que dans ton contenu. Dans la minute soupe. Ouais. Par contre, je vais juste poser la tasse parce que c'est brûlant. Ouais, j'ai les doigts qui fondent. C'est vrai que ça mousse un peu. Ah ouais, tiens. Tu sais, il y a pas. J'ai peut-être laissé du savon dans la tasse. Au moins, elle est propre. Non, mais c'est vrai que attendez. Ouais, ça mousse un peu, c'est pas bien grave. Au pire, je bouffe du savon. Kylian, est-ce que t'as la cassette du 23 du 6 oui, qui mais, est la date d'aujourd'hui? Oui, mais bon, sachant que j'ai 3 dents en moins maintenant qu'ils ont fondu avec la tasse. Essaie de la mettre avec la bouche. Ah oui, presque. Voilà. Est-ce que tu pourrais quand même faire play? Je croyais que ça avait fonctionné, attends. Mais allez! Merci, c'est parti. Voilà, bon bah on va peut-être trouver, je sais pas. En tout cas, ça a l'air très connu. Moi, l'air, il me dit quelque chose. Ah oui. Mais ben, le dis pas. Non, ben non, je compte pas. Mais façon, il sait pas, parce que même lui, il voit pas mon écran, et sur mon écran, c'est marqué cassette 23 du 6. Donc, y a aucun... Mais là, j'ai carrément tout... Pour une fois que c'est pas Jadoul qui est tourné à moi, mais tous les écrans... Ouais, bah là, il voit plus rien, c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà, j'espère que vous passez une belle soirée à notre écoute. Et on va faire, enfin, il est temps, je pense, le bon, hein. Et parce que, voilà, ok. Je pense qu'on va appeler un orthophoniste d'ici la fin de cette émission pour savoir s'il peut faire quelque chose pour moi. Non, ça va, je me suis amélioré, je bafouille de moins en moins. Oui. On va dire oui. C'est trop gentil. Allez, c'est parti, on passe au petit point info, la minute info sur la Coupe du Monde. C'est la minute info. Alors actuellement, oui. Il y a le match Allemagne-Suède. Ah. Donc toi qui n'aimes pas trop le foot, est-ce que ça t'aurait intéressé de le voir tout ça? Allemagne-Suède, non, j'aime pas les Allemands. Je rigole. C'est fait. Bon, tous les Allemands qui nous écoutent, revenez. Tapez-le si vous le voyez dans la rue. Non, je rigole. Donc pour l'instant, les Allemands, bah, c'est une grosse sensation parce qu'ils sont éliminés pour l'instant de la Coupe du Monde en Russie parce qu'ils perdent 1-0 à la 32e minute. Et c'est vrai que c'est avant la mi-temps et se prendre un but, ça fait assez mal, je trouve. Donc voilà. On a vu également le match France-Pérou. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. En tout cas, la France a gagné 1-0. C'était un but. Ouais, mais le match était pourri. Le match était pourri en soi, oui, c'est vrai. Et le Pérou méritait de mettre un but. Franchement, ils ont eu des occasions. Le problème, c'est qu'en fait, en appelant le match, ils ont oublié une lettre. Oui, parce que Pérou, tu mets un petit dé, ça fait quand même le score. Perdu. Très bien. On enchaîne, comme tu dis. Donc, c'était un but à la 34e minute par Kylian. Oui, je sais, je suis là. Mbappé. Excellent jeu. Je me la pète pas. J'ai la possibilité de me dire que j'ai marqué un but. Donc, voilà, c'était un petit but donc, de Kylian Mbappé. Mais comme je le dis, les Pérouviens, je sais pas comment on dit ça. Les Pérouviens. Les Pérou. les Perdous, voilà, comme tu dis, méritaient quand même de mettre un but. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Et aujourd'hui, nous avons suivi un match. Oui, mais le truc, c'est que moi, je voulais me renseigner sur le match du Pérou. Ah. Et oui, mais alors le problème, c'est que la seule chose que j'ai eue quand je me suis renseigné au sujet du Pérou... Ils ne savaient pas Pérou commencer. Non, c'était que j'ai appelé un ami en espérant savoir des infos sur le Pérou et sur le match. Qu'est-ce que tu recherches ? Je suis Pedro. Pedro comment ? Pedro, le professionnel du Pérou. Pérou quoi ? Pérou vit, Pérou va. Pérouvien. Oh, mon Dieu ! Et je pense que le match, il va aller droit au but. Mais est-ce que tu connais ce que c'est la vraie but ? La gazelle. C'est la gonzesse. La gonzesse. Par contre, je vais vous parler d'un truc très sérieux. Attends, t'as quand même confondu entre un but et un... Et une péripatéticienne. J'ai pas fait exprès. Mais comment? Non, il y a quand même un truc de dingue. J'étais donc à un grand écran l'autre jour et je trouve ça juste dingue que l'être humain il passe en voyant un match de sobre à bourré. Non, il passe d'homme à animal. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que le supporter, c'est quelqu'un d'à part. Parce que, je dois vous dire, un mec, il va arriver au match ou au stade ou au grand écran et il va faire... Et il arrive là-bas. Et il commence à gueuler, mais même une voix que lui-même il connaissait pas en lui. C'est parce qu'il devient animal. Et après, ils ont des réactions bizarres. Ils font des mêlées entre eux. Mais le pire, c'est qu'en fait, les gens qui vont dans des événements comme ça, tout comme dans les balles ou peu importe, généralement, ils y vont avec une certaine fierté. Tu vois, genre, ils sont fiers, ils sont là. Ouais, je suis là, je suis au bal, moi je suis ci, moi je suis là. Et à la fin du bal, c'est les premiers à retourner en ambulance, comme des grosses épaves avec plein de bave partout, plein de bière, plein de. Il ressemble plus à rien, quoi. C'est ça qui est un peu débile, quoi. Mais alors, le pire, c'est qu'il y a une femme au grand écran. Elle me fait, pardon, excusez-moi, je dois aller acheter une cruche de bière. Et alors, elle va chercher. Fais-toi la cruche. Elle va chercher sa cruche de bière. Elle se met à côté de moi durant le match. Et là, maman, un but. Et elle, toute sa cruche, ah ouais, pleine. Elle fait ouais. Toute l'entièreté de la cruche. Je me suis pris un point aujourd'hui. Me retombe dessus. Et alors je suis trempé, plein de bière. Mes amis, mes potes autour de moi, ils étaient là. T'as bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à aimer le foot. Ça serait pas tombé sur toi. Moi, je me suis pris un point dans la tronche aujourd'hui. C'est vrai, en fait, quand les Belges ont marqué, d'ailleurs on parlera des Belges juste après, mais quand ils ont marqué le deuxième but, il y a le copain de ma sœur, voilà, qui, par joie, a levé les bras en l'air, et sachant que je suis vachement plus grand que lui, je me suis pris un point dans le visage, et c'était... Enfin, c'est pas la première fois que j'ai vu le point passer devant moi, mais là, je l'ai carrément eu dans le nez, ça fait... Mais moi, c'est pour ça qu'il est tout rouge. Ah non, c'est parce que t'as picolé avant de venir à la Voilà, radio. Ça, il fallait pas le dire. Non, je rigole. Il a bu 4 verres avant de venir. Tu contredis ? Tu contredis pas ? Qui balance ? Ouais, mais comme ça, les auditeurs savent dans quelles conditions on fait cette émission. Non, c'est même pas vrai, en plus. Le seul truc que j'ai bu aujourd'hui, c'était un pisang orange. Et j'ai 3-4. Bu du draft, enfin, autrement dit, une boisson alcoolisée qui s'appelle bière, mais avec une. Enfin, bref. Et je trouve ça dégoûtant. Bref, je suis belge. Ah oui, bref. Bref. Bah, il faut pas dire la marque. Alors c'était bref. Ce qui est dingue, c'est surtout que j'avais un petit qui était derrière moi dans le grand écran là. Et alors ce petit, il avait un espèce de grand ballon qui était censé symboliser le symbole des Diables Rouges, équipe belge nationale. C'était une espèce de grosse fourche gonflable. Mais alors le truc, c'est que le petit, il m'arrive au niveau des chevilles. Alors lui, son truc gonflable, il m'arrive entre les jambes. Et alors il fait paillasse le petit. Et il le laisse là. Et le petit se barre, j'avais le truc entre les jambes. Et alors j'ai un pote à côté de moi qui me fait, bah alors Thomas, qu'est-ce que t'entres les jambes? Ah, ou ça, pardon. Et je jette le truc par terre. J'avais le truc qui dépassait de 45 cm gonflable. Là, c'était une horreur. Qui est venteur. Gonflable. Oui, non, peut-être pas. Mais en tout cas, non, voilà. C'était très gênant comme moment. Et je remercie beaucoup ce petit de m'avoir mis dans ce moment de gêne. Ça dépend, hein. Les filles qui étaient là étaient ravies. Oui, je sais pas. Non, même ma pote qui était avec moi, elle était pas fort ravie. En tout cas, je te propose que l'on fasse un petit point sur la Belgique. Eh bah oui, la Belgique qui a gagné. D'abord, tu peux nous dire où en est l'Allemagne en ce moment ? Oui, attends, je retourne alors. J'avais tout prévu sur la Belgique et maintenant il me fait rechanger. Alors actuellement c'est toujours 0. Ok, 0-1 et c'est la mi-temps actuellement. Ok, parfait. On passe maintenant au dossier sur la Belgique. Et ouais. La Belgique qui gagne 5-2. Enfin, qui a gagné parce qu'ils ne gagnent plus maintenant. Oui, oui. Ah si, ils ont toujours gagné. Enfin bref. Et donc, un but d'Eden Hazard qui a ouvert d'ailleurs ce deuxième match de Coupe du Monde avec un pénalty qui a été donné et qui porte encore un petit peu à confusion parce qu'on ne sait pas si la faute a été réalisée dans le grand rectangle. Dans le grand rectangle. On rentre pas dans les détails. Ou en dehors. Enfin, ok, je rentre pas dedans. Alors, on me demande de faire un travail, je ne dis rien. Alors, le deuxième but a été donné par Lukaku. Ensuite, Michy Batshuayi. Nous rappelons aussi qu'il y a eu un autre but d'Eden Hazard avant ça et de Lukaku. Donc, c'est deux buts pour l'un, deux buts pour l'autre. Et un but pour Batshuayi qui a raté énormément de buts, malheureusement, qui aurait dû être dedans. Et c'est assez bien qu'il ait mis un but. Donc, il y a un total de 8 buts quand même. Michy Batshuayi, il est au même stade que Ronaldo actuellement. Oui, mais je veux dire que la Belgique a fait 8 buts au mondial au total. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, je crois qu'au premier match, ils ont gagné 4-0. Donc en fait, s'ils n'ont pas gagné 4-0, ben bon, c'est pas grave. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et voilà, et donc je vais vous faire le classement de cette Coupe du Monde. Hop, je prends ça sous les yeux. Voilà, c'est parti. Donc dans le groupe A, c'est la Russie et l'Uruguay qui sont en tête de liste donc de ce groupe A. Ensuite, nous avons dans le groupe B, l'Espagne et le Portugal. Suivi dans le groupe C par la France avec 6 points, juste devant le Danemark. Dans le groupe D, nous avons la Croatie en tête. Dans le groupe E, nous avons le Brésil et la Suisse. En groupe F, nous avons le Mexique. Dans le groupe G, nous avons bien évidemment la Belgique avec 6 points. Ensuite, dans le groupe F, nous avons le Japon et le Sénégal. C'est fini pour ce classement. Et ma question, qui m'est tout à fait personnelle, est-ce que la France a quand même une chance de gagner à ce mondial ? Alors, je vais aussi te donner un avis personnel, parce que je ne peux pas moi-même préciser. Disons que les Français, personnellement, ne sont pas de mauvais joueurs. Ils ont souvent eu de belles équipes. Maintenant, je ne pense pas que leur équipe soit assez imposante que pour aller jusqu'en finale. Tout comme, par exemple, pour la Belgique. Je sais que, pour moi, je pense que la Belgique ira loin. Peut-être jusqu'en en demi-finale, peut-être en finale. Maintenant, dire s'ils vont gagner directement la Coupe du Monde, ça, il y a toujours des grosses équipes qui sont au-dessus. Quoique là, par exemple, on voit que l'Allemagne, malheureusement ou pas, perd. Nous avons vu que l'Argentine également a perdu donc ces matchs. C'est vrai que c'est des grosses équipes qui nous quittent, qui risquent de nous quitter. Et c'est assez rare en Coupe du Monde de voir des grosses équipes qui se fassent éliminer aussi vite, quoi. C'est assez rare. Donc, L'Allemagne n'ira pas jusqu'en finale. Peut-être. Et moi, je dois vous dire, je tenais pour trois équipes. Je tenais pour la France, la Belgique et pour la Tunisie. Mais bon, la Tunisie s'est pris une tarte dans la gueule. Donc, une grande. Mais je dis oui, c'est vrai que c'est. Je suis pas du tout foot, mais je m'intéresse un peu. Je dis, c'est vrai que pour une Coupe du Monde, voir des grosses équipes qui partent comme ça, c'est fou, quoi. Oui, d'ailleurs, je me suis même habillé un petit peu en Bordeaux pour rester dans les tons rouges. Donc, non, c'était volontaire en plus. Donc, voilà, petit hommage de notre côté ici à Ilar FM. En tout cas, voilà. On vous a fait un petit point sur le mondial. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez entendre. Il y en aura encore la semaine prochaine dans le quotidien. Voilà, dans la quotidienne, il y en aura évidemment tous les jours des points sur la Coupe du Monde. Plus rapide et plus bref, puisqu'on n'a pas toute une semaine à débriefer, mais on aura quand même des points infos sur la Coupe du Monde. Croyez-le et surtout, on vous parlera des matchs en cours parce qu'il y aura sûrement des matchs en même temps que l'émission. Oui. Donc, on vous dira les scores un petit peu où ça en est. Dès que tu as des infos sur le match qui est en cours en ce moment, tu nous dis, d'accord ? Ça marche. Ok, pas de souci. On se refait la cassette de Jadoul afin de vous faire deviner le son de la semaine. Allez-vous deviner le son de la semaine ? C'est la cassette de Jadoul. Allez, on la lance, c'est parti. C'était un peu court, j'étais en train de boire. Bon. Moi, j'étais en train de lire. Hein. Voilà, donc personne n'était dans l'émission. Tous déconnectés, là. Il y a tout qui se fait tout seul et nous, on est déjà partis en vacances. C'est bon, c'est fait, voilà. Merci. Ah, voilà, ok, d'accord. Kylian, une idée ? Oui, une idée fixe. Une artiste, est-ce que tu as une idée ? Je pense. Tu penses ? Oui. Donne-moi la première lettre que tu as en tête. Attends, comment ça... Enfin, c'est B, S. Non, non, voilà. Non, donc, attends. Mais non, mais c'est bon, non, ne cherche pas, tu m'as déjà donné une proposition, c'est déjà pas mal. Voilà, donc comme ça, vous savez un petit peu où on en est et ce qu'il ne faut pas dire. Si, c'est elle. Tu peux donner le numéro de téléphone de la radio pour que les gens puissent envoyer leurs réponses. Jadoul, suivi de le nom de la musique en question et votre numéro de téléphone au plus 32 49 9 15 60 et 15. On va vérifier ce que tu dis parce que je te crois pas. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Beaucoup de choses à voir dans la suite de cette émission. Il est 21h, j'espère que vous passez une très belle soirée à notre écoute. D'autres infos d'ici quelques instants. Kylian va nous donner des nouvelles de Jean-Michel. Tu vas déjà l'avoir dans le standard, comme ça on le basculera directement à l'antenne après la musique. Ok. Et on va voir un petit peu où il en est dans sa vie. Ça s'annonce très compliqué, mais c'est pas bien grave. On va s'écouter tout de suite un titre, un vieux titre de 1990, de 1990, mais c'est pas grave, c'est Le Privilège. Michel Sardou, on s'écoute ça tout de suite sur Hilar FM. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Allez, Kylian, est-ce que t'es prêt à me faire ton jeu des 5 mots ? Oui. D'accord. ça veut dire, bon, écoute, je suis pas prêt. Alors, t'étais concentré tout à l'heure, donc je comprends. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire encore quelques actus. Et on voit après, tu vois. Ouais. Bon, je vais peut-être pas te sortir un scaphandre, mais. On bidouille, quoi, tu vois. On fait ça en live entre nous, quoi, tu vois. Ça marche, ok. Ou alors on appelle un auditeur et on le fait jouer au jeu des 5 mots. Ça peut être bien aussi. Mais c'est juste qu'on n'a pas les 5 mots. Donc, envoyez-nous des mots aléatoires comme ça au plus 32 49 9 15 75 ou sur ma page Facebook Jadoul ou sur Twitter, peu importe. Comme ça, on va essayer de pouvoir. Faire participer quelqu'un. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, c'est un truc complètement dingue, c'est une actu. Il pose un python, donc tu vois le gros serpent. Ouais, j'en ai un. Où ça ? À la maison. Ouais, parce que ce serait très prétentieux sinon. dit-il, celui qui dit qu'il a un truc gonflable entre les jambes d'un. C'était un enfant qui avait laissé son ballon. Pédophile, bah. Merci. Allez, c'est pas grave. Alors, c'est une vidéo où un mec pose avec un python pour un selfie et devinez ce qui se passe. Il est mort. C'est en Inde. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui a pu se passer ? Il est mort au cou. Non, il est pas mort. Sinon, j'aurais commencé par tragique accident. Ah ouais, c'est vrai. Il fait 40 kilos, le python. Il sourit. Non, alors en fait, le python commence à s'enrouler autour de lui, bien méchamment, et donc il a échappé de peu à la mort. Étant donné que l'agence France Presse a rapporté cette information-là en nous montrant la vidéo qui est complètement inquiétante du type qui, voilà, qui veut faire son selfie et au final il a failli se faire mordre. Donc tu vois que c'était pas loin. Mais il a failli se faire mordre. Oui, il a failli, mais il n'a pas été, ça a pas été le cas, quoi. Oui. Mais voilà, le premier instinct quand même des gens qui étaient autour de la personne qui allait se faire mordre, c'était de sauver le serpent. Donc oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est important les animaux, enfin tout ça, mais bon, si on doit mettre la vie de quelqu'un en danger, ça devient limite aussi, non ? Mais non, ça dépend si on l'aime bien ou pas. Alors il y a une commune qui a fait un truc de dingue, mais je vous dirai ça juste après l'appel à Jean-Michel, on va appeler Jean-Michel tout de suite en direct. C'est parti. Allô Jean-Michel ? Ouais, ça avait démarré en même temps que la musique de fond, ça nous a explosé les oreilles. Hey, alors là, Oula! Ça va? Alors en fait, après le match, les 5 buts des Belges, je fais la fête! Oh la vache! Et donc, je parle et puis je serai pas, qu'est-ce que je dis? Quoi? Je suis bon. Ça vous va, Jean-Michel, vous êtes complètement déchiré. Ah bon ? Pouvez-vous répéter cette phrase-ci ? Jadoul de 20h à 22h. Je bois de 20h à 22h Je recommence. Mais recommencer. Je bois. Non, Jadoule. En 22 heures. Pas je bois, c'est Jadoule. Et je ferme de 20h à 22h. Allez, Jean-Michel, faites un effort. Et remettez-moi une tournée, s'il vous plaît. Vous êtes où, en fait? Alors, bah là, je suis en train de faire un feu dans un café. Vous faites un feu dans un café? Je fais la fête. Ah, la fête. Et en plus, je comprends rien. Vous avez vu comment vous parlez aussi? C'est non, pas possible, ça. Ça va aller, d'accord. Et N'empêche, on a mis 5 buts en 2. Ah, vous avez fêté ça, alors? Ouais, j'ai bien bu. 50 litres de bière, alors. Non, mais et sur ce temps-là, votre femme Nicole, elle fait quoi? Ma femme Picole, ça va aller, mais... Votre femme Nicole. Chez nous, dans la famille, on picole jamais. On déguste, c'est ça? On savoure. On savoure. Ah, j'adore, je suis complètement fan. Non, non, votre femme Nicole, elle est où en ce moment, alors? Alors, Nicole... Elle est partie avec un copain. Un copain? Un copain. Elle est elle vous trompe? Oh. Ah ouais, d'accord, ok. Alors là, moi, tant que j'ai de l'alcool, le reste... Ok, bon... Je m'en fiche. Ça va, Jean-Michel? C'était quoi? J'ai des petits problèmes d'interférence. Je bave sur le téléphone. D'accord, mais y a pas de souci. Bah écoutez, j'entends qu'il y a de la musique derrière vous. On va vous laisser retourner à vos activités car je pense qu'il y a de l'ambiance derrière vous. Faites comme chez vous, Jean-Michel. Il faut boire avec modération. Oui, mais vous le connaissez pas. Mais c'est voilà, si modération est pas là. Et bon, on boit pour lui. Allez, laissez votre téléphone sur le comptoir. On vous laisse continuer à s'amuser. En tout cas, je vous remercie de nous avoir consacré quelques minutes, malgré qu'elles soient un peu douloureuses, ces minutes-là. Mais voilà, alors, je vous souhaite une très belle soirée. Elles sont pas douloureuses, elles sont festives. Allez, allez, allez, allez. Allez, les diables. Allez, les diables. Mais taisez-vous. Oh, je ne vous supporte plus. Calmez-vous. Oh là là, comment on peut être insupportable et chiant comme ça? Moi je vous le dis, je vais vous laisser. En plus j'entends qu'il y a de la musique derrière vous. Donc je vais vous laisser car visiblement il y a de l'ambiance. Oui, oh oui, oh oui, oh oui. Encore une tournée. Oh. Ok, d'accord, Jean-Michel est juste complètement taré. Il se rend pas compte des dangers que c'est de s'intoxiquer le cœur avec tant d'alcool. Enfin, c'est pas grave. Tu as donné une fausse info tantôt en disant que j'avais bu 4 verres, alors que moi, c'était même pas vrai. Et si, lui, il a bu, à mon avis, des tonneaux. Ouais, j'ai dit 50 litres, 5 buts, 50 litres. Oui, c'est vrai. Voilà, ça doit être sûrement comme ça que ça doit aller avec lui. Enfin, je suppose, je devine, parce que pour être dans un état comme ça, faut quand même y aller. Je sais même pas si on arrivera à l'avoir d'ici la fin de l'émission parce que vu l'état. D'ailleurs, on sait même pas s'il a eu des ennuis avec les Russes la dernière fois. Je sais pas, on me suis fait un peu. Bah, lui poser la. Ouais, quoi que aujourd'hui, vous pouvez peut-être pas lui poser la question. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le meilleur jour pour lui demander quoi que ce soit. Je crois qu'on a le temps de lui poser dans la semaine, à mon avis. Dans la semaine, oui. De toute façon, il viendra pas tous les jours, Jean-Michel, parce que sinon je le buterai avant, ce sera pas possible. Je ne le supporte déjà plus comme on ça. Alors, à mon avis, demain son téléphone sera déjà éteint. Voilà, c'est ça. S'il en a, je ne sais pas. En tout cas, on va s'écouter Drunk Groove, évidemment. On reste dans le thème. C'est Real RFM, nous sommes en direct. Passez une belle soirée. On se retrouve juste après pour le jeu des 5 mots avec les auditeurs en ligne avec nous. Ça va être juste génial. À tout de suite. Je savais pas quoi dire. J'ai voulu reprendre l'antenne en douceur, mais je sais pas. En fait, le mieux c'est que je me taise et que je laisse un jingle. Jadoul, 20h-22h sur Rire FM. En parlant de tout ça, il fallait que je vous raconte une anecdote. Un truc complètement dingue. J'ai croisé hier une femme. Elle avait les cheveux colorés bleus. Ah bon? Et alors. C'était pas ma mère. En fait, j'étais dans la file pour une attraction. J'étais dans un parc d'attractions. Pour ceux qui m'ont suivi sur mon Snapchat, Thomas Jadoul. Je regardais tout simplement les gens qui passaient dans la file, et il y a des gens qui disaient finalement on va plus attendre et on va arrêter de faire la queue. Il y a une femme qui se fait ça, qui dit bon tant pis, je fais demi-tour. Et cette femme là, figurez-vous, cheveux bleus. Et alors du coup j'ai comment ? Je me suis dit, ah oui d'accord, mais c'est comme ça quand on mange trop de granita. Et en fait toute la file a entendu, alors tout le monde a éclaté de rire dans la file, et la dame elle s'est retournée et tout le monde l'a regardée, et moi j'ai fait. Et alors figure-toi que. T'as fait, 100, qui a dit ça ? 100 km plus loin quand je suis revenu, qui c'est que je croise ? Elle. Je me suis caché derrière mes amis et tout, j'étais là. Oups, c'est bonjour, je suis pas là. Oh, madame Granita. Oh là là. Non, c'est juste exceptionnel, voilà. Donc, comme quoi, il faut faire des vannes, mais de manière discrète. Voilà. Voilà, on rappelle avec Kylian. Oh, on dirait le Jackson 5 devant. Et oui, il se retourne. Oui, mais t'as surenchéri, hein. Oui, j'avais surenchéri, on l'a déjà raconté dans cette émission. Donc voilà. Pour retrouver tous les meilleurs moments de cette émission, ça se passe sur la radio digitale Ilar FM Jadoul. Et ouais. Et vous êtes déjà nombreux à nous écouter. Et ouais. À chacune de mes fins de phrases, il va faire « Et ouais ». Et vous croyez quoi ? Imbattable. Imbattable. Au meilleur prix. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce que c'est ? Un vendeur. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ceci entraîne cela. J'espère que vous allez bien, parce que nous non. Ouais. Et toute son équipe. Et taré. Bon, alors, je vous propose que on se fasse le jeu des 5 mots, mais j'ai envie de faire ça avec quelqu'un au téléphone. Est-ce que tu peux me trouver des numéros de téléphone, Kylian, s'il te plaît ? Ouais, je vais trouver un numéro. En fait, oui, je vais trouver, tu vas voir, t'inquiète. J'ai pas compris. Non, d'un coup, il y a eu de l'énergie dans la personne. Non, mais j'ai une petite idée sur un numéro de téléphone. Ah ah. Qui serait ? Ah. On va voir. Ça a testé. Par contre, j'ai pas le numéro de téléphone, il faut que je me renseigne. Est-ce que je la connais ? Non. La personne ? Non. Bah alors vas-y, trouve vite le numéro. Tu as jusqu'à 21h20. Ça marche. Il est 21h18. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que nous, on va se faire donc la suite du jeu des 5 mots d'ici quelques minutes, étant donné que Kylian doit trouver les numéros de téléphone et me les mettre dans le standard. Donc, je vais vous faire encore une petite news, si vous le voulez bien. C'est tout simplement un taureau qui s'échappe de sa bétaillère après un accident dans le Calvados. Et l'animal de 900 kilos a dû avoir l'intervention d'un vétérinaire, car vers 16h, un accident a eu lieu entre une voiture et un tracteur. Ce dernier s'est couché contre la bétaillère, ce qui fait que le taureau s'est barré et du coup ils ont dû le maîtriser, et c'est les militaires qui ont dû attendre l'intervention d'un vétérinaire pour endormir le taureau, et ça a provoqué des grands ralentissements de la circulation et c'est ce qui a fait donc l'actualité insolite que je vous ai dit à l'instant. Est-ce que vous avez déjà vu des taureaux en vrai? Moi, quand j'enlève mon t-shirt. Ouais, n'empêche, en parlant de Coupe du Monde, qui n'a rien à voir avec ce qu'on parlait avant, le joueur de foot Shakiri, donc non, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de blague là-dedans. Shakiri pleure. Donc c'est-à-dire que il dit, il n'y a pas de blague là-dedans, et il fait lui-même la vanne de merde. Non, mais c'est un joueur, donc un attaquant en Suisse, de l'équipe suisse, et donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir au moment où il a marqué son but, il a enlevé son t-shirt, et là on peut parler de taureau, de bœuf, de... Pourquoi ? Je vais essayer de te trouver une photo, et je vous encourage à aller voir justement sur internet, vous mettez Shakiri... non, ça va pas fonctionner. Je ne le suis pas. Vous mettez joueur de foot Shakiri, sinon si vous mettez Shakiri, on va voir un Shakiri goal, ça va pas être trop drôle. Ou Shakira, mais si vous... Shakira en Espagne avec Piqué. Bon, je la supporte plus cette anecdote, donc on va en rester là. Attends, je vais te montrer quand même la photo. Ouais, mais en attendant, je vais vous faire une petite confidence. Vous savez que cette cartouche-là qu'on met depuis quelques temps maintenant... Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Eh ben, je vois peau sur mon écran, étant donné que c'est marqué nom de Dieu, j'aurai votre peau. Et alors, du coup, je pense tout le temps à cette musique-là. Mais tu sais pourquoi ? Non, moi, ça me fait penser au Teletubbies. Non, mais... Tiki-winky, blabla. D'accord, ok. Gypsy, peau. Non, mais parce que, en fait, le début de... Eh ben, c'est tout simplement celui-ci, si j'arrive à vous le... musique dans la peau, c'est le nom du titre. Voilà. ces Zouk Machines, évidemment, ils sont exceptionnels. Eh ben, le début quand même de ça, c'est ceci. La musique dans la peau. Et du coup, ça me fait penser à Nom de Dieu, j'aurai votre peau. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein. Ok, voilà. Oui, c'est con, mais... La musique dans la peau. Nom de Dieu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la photo du joueur de foot que je te parlais. Mais il a pas de tatouage. Parce que j'ai dit qu'il avait un tatouage. Ah, je pensais. J'ai dit un taureau. Il est costaud, quoi, comparé à un autre joueur. Ah, ça va, ça. Je m'entends dire. Enfin, il est tout petit. J'ai essayé de trouver une photo avec, à côté de joueur, voilà. Avec une pièce de monnaie à côté. Genre, c'est un tout petit, mais trapu et assez large d'accord. Et tout. Ok. Donc, pourquoi pas? Why not? Voilà. Bon, merci bien, bonne soirée à vous, on se retrouve la semaine. C'est pas grave, hein, ça avait l'air très très marrant. Mais c'était pas le but d'être drôle, hein. C'est pour pousser la gueulante. On n'est pas contente. Ils sont méchants avec moi, ils sont méchants. Pas méchants avec toi. Vilain. Ouais, c'est ça. Et sors de l'antenne. Tu t'es lancé dans cette phrase sans. La politesse, c'était de demander vous avez le temps ou vous êtes pressé? Sans me demander ça, voilà. Ouais, c'est vrai, donc, c'est vrai ça. Donc merci beaucoup. Premier avertissement. Voilà, d'accord ? Oui. Merci beaucoup. Carton orange, pour rester dans le système de la... Carton jaune, pardon. Carton jaune. Tu m'en fais un carton jaune. C'est carton jaune ou carton orange ? Deux. Il n'y a pas de carton orange. Le carton orange, c'est quand tu picoles. Oh là là. Jésus, Jésus. Bien sûr. Merde. Bon, allez, on... Je suis juste fan de ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Ok, t'as le numéro de téléphone? J'ai un numéro de téléphone. Est-ce que je sais l'envoyer dans le standard? Bah, tu l'encodes, quoi, tout simplement. C'est vrai, ça. Allez, tiens, je t'en prie. C'est vrai, ça, c'est vrai. Je suis bête. Mais je suis bête. C'est la radio qui me rend bête. Non, c'est pour ça que tu fais de la radio et c'est pas pareil. Alors, et on me dit que c'est trop long. Effectivement. Allez, t'es prêt, toi? Nadine Babek. On en est où? 24? Bah, là, c'est bon. Ok, allez, bah, c'est bon, j'espère. C'est parti. On appelle-le. Le numéro. Et pourquoi on l'appelle déjà? Je sais plus. Bon, le jeu des 5 mots. Ah merde, mais j'ai pas les mots moi. Mais moi non plus. J'ai pas les mots. Ah merde. Faut pas des mots trop compliqués non plus. Ok, d'accord. Et le jingle là, il est où? Et c'est qui le prénom? Le prénom? Gabriel. Gabriel? D'accord, ok. Allô? Allô? Allô, je suis chez Gabriel. Ouais, c'est moi. Comment ça va? Nous sommes en direct à la radio. Salut. Voilà, alors j'ai ici quelqu'un, un membre de l'équipe qui m'a donné ton numéro, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour savoir si t'as envie de jouer au jeu des 5 mots avec nous en direct. Pourquoi pas. Ok, c'est parti. Allez, on y va pour 30 secondes, est-ce que j'ai mon chrono? Oui, j'ai mon chrono, c'est parti. C'est quelque chose que les astronautes portent sur leur tête. Casque. Oui, mais ça porte un nom spécial, on peut aller dans l'eau aussi avec. Merde. Oui. Passe. Ah, on peut pas passer. Non, je suis désolé, on peut pas passer. Merde. Y a pas un indice là, je sais pas. Ça commence par C. Par S, pardon. Temps écoulé. C'était un scaphandre. Oh, merde. Un scaphandre, voilà, comme ça c'est fait. C'est pas grave, il faut lui en dire d'autres. Oui, juste, Gabriel, tu nous appelles depuis tes toilettes parce qu'il y a une réverbération. Ok, ça veut dire oui, ça je pense. Ouais. Ah, parce que c'est merde. Vrai. Bah oui, oh merde, bah oui. D'accord, ok. C'est pas bien grave. Bon, on peut repartir pour 10 secondes à la limite. Ok. Allez, c'est parti. Enfin, je te pose pas la même question parce que sinon ce serait la même chose et du coup, bah voilà, ça servira à rien. Alors, suivant objet, c'est quelque chose que l'on utilise en jardinerie. Une tondeuse. Une tondeuse, non. Pour planter les plantes. Putain de merde. D'accord, ça c'est fait. Non, je sais pas. Une truelle. Oh merde. C'est complexe. C'est compliqué ça pour les auditeurs. Oh, c'est compliqué bien sûr. Et c'est simple, et oui. Attends. Voilà, bah merci d'avoir joué quand même. Le bah, principal rien. C'était l'attention. Voilà, c'était le minimum. Ben voilà, on te remercie Gabriel. Et si tu veux un autocollant de l'émission, bah demande-le nous, on te l'enverra par la poste, y'a pas de soucis. Ok. Voilà, on te rappellera en antenne pour prendre tes coordonnées, d'accord? Ouais, Pas de soucis, hein. On te remercie. À bientôt, Gabriel. À vous aussi. Ciao. Alors, qui c'était? Un ami à toi? C'était un de mes meilleurs potes, oui. Ah, d'accord, un meilleur carrément. Oui, oui. Donc, ok, très bien. Et il sait que tu fais de la radio? Il sait, bah oui, parce qu'il nous écoute en fait. D'accord. En fait. Mais à mon avis, il nous a pas écouté au moment où on a donné la première réponse. Mais oui, mais parce que je me suis dit, je vais faire le même comme ça, voir s'il va faire mieux que toi. Non, mais en fait, je l'appelle, il est extrêmement drôle. En vrai, quand tu le connais en vrai, c'est une personne adorable et extrêmement drôle. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas? Tiens, en plus, il nous écoute, donc ce serait bien. Mais bah, c'est voilà. Vrai que les mots étaient compliqués. Hein. Même moi, parfois, j'ai du mal. Hein. Mais il n'y a pas de souci, bah, comme ça... c'est le but du jeu, après. Oui, bah oui, le but, c'est quand même de coincer les gens et de vous mettre à l'eau, si j'ai envie de dire. Voilà. Alors, oui. Tu nous as sorti une musique du Rwanda, et ben il est pas rwandais, il est camerounais. Ah bah voilà. Voilà, comme ça c'est fait. C'est complètement le hasard et bah voilà, je savais pas. Mais c'est pas grave. Bah de toute façon, ça change rien. On est content. Non, ça change rien. On est content de l'avoir. Voilà. De toute façon, on adore. Hein. On adore tout le monde, peu importe d'où vous venez. J'adore, c'est Yannick Noah. J'adore. Gabriel le prend pas pour toi. Bah non, du tout. On adore ce titre. Vous savez que la première fois que j'ai entendu ce titre, c'était à Paris dans un plateau. Et en fait, c'était dans une émission. J'étais sur le plateau d'une émission qui envoyait un des chroniqueurs dans le bureau des patrons pour chanter. Oh, putain, j'ai... Voilà, comme ça, vous savez toute ma vie. Comme ça, c'est fait. Bien, ce que je te propose de faire, c'est qu'on se réécoute la cassette. Oui. Allez-vous deviner le son de la semaine? C'est la cassette de Jadoul. C'est parti, on la lance. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la question que je me pose. Et ben moi aussi. Si vous avez une petite idée, bah tous les cris, les SOS sont attendus sur sur FM. OK, on va tous les faire, c'est ça. Oui. Il y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Ça fait justement de la pub pour la radio, j'ai aucun souci. Ah, d'accord. Allez. Le numéro de téléphone pour envoyer les réponses. Le plus 32 49 9 15 75. Je répète, le plus 32 49 9 15 75. Voilà. Alors. Ouais, c'est parti, on peut s'enterrer? On peut aller s'enterrer. Bon, on va s'écouter un petit titre si tu le veux bien. Ouais. Ouais, allez, je vais être généreux pour les auditeurs, je vais dire oui. J'hésite, écoute, si tu veux, bah t'en mets un, t'en mets pas. Moi, je suis là, je suis pas là. Moi. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Non, je suis juste fan. On va s'en servir encore, je pense, de cette cartouche. Voilà, on a des nouvelles de Corentin, un autre membre de l'équipe qu'on embrasse chaudement. Bisous, bisous, bisous. Il m'a défoncé les oreilles. Moi aussi. Il s'approche du micro. Il embrasse la bonnette comme un gros porc. Oui. C'est vrai, moi-même, je me suis fait mal aux oreilles. Bisous, bisous, bisous. Donc, je disais, on embrasse notre ami chroniqueur, Corentin, qui n'est pas là aujourd'hui. Et on l'embrasse car Corentin était, je pense, au grand écran de ta région, je pense. Oui, il paraît, en fait, il m'a envoyé un message lorsque j'y étais. Et au moment où il m'a dit « Ah, tu es aussi donc au grand écran », je lui ai dit oui. Et je lui ai dit « Toi, tu es où ?»« Ah bah, moi, je viens de rentrer. » Ah, d'accord. Alors que le match venait de commencer ou quelques minutes après le début du match, quoi, donc. Mais bah, je pense qu'il est revenu après, hein, je pense. On rappelle qu'il est le professionnel des barbecues. C'est la merguez, merguez partie. Donc on l'embrasse. Et des barbes au cul. Ok, c'était pas drôle. Ouais, c'est bon. Next. Je pense que ça mérite une alerte pour cette blague de merde, on peut le dire. Oh, alerte. Une blague de merde a été prononcée sur Hilar FM. Restez chez vous. Nous vous conseillons de ne pas sortir, fermez les fenêtres, les volets. Le virus kylianique peut se propager sur vous. Faites attention, car vous pouvez être contaminé par cet humour très moyen. Merci de nous informer au plus 32 49 9 15 75 en cas de problème avec ce virus. Amen. Le petit plus, amen derrière. En plus, c'est la voix qui est partie. Amen. Amen. Écoute, il y a une top babonne. Allez, vas-y, m'énerve pas. Le vieux mec. C'est Rocky, moi. Regardez l'autre fou, là. L'autre moi, j'étais. Bon, allez, on va s'enchaîner. Qu'est-ce qu'on devait faire, là? Je sais plus du tout, moi. Voilà. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? T'es qui, ouais? T'es qui, toi? T'es qui? Tu veux quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? On va s'en servir à chaque émission, hein. Bon, cette émission part complètement sucette. Là, ça fait 10 minutes que c'est du grand n'importe quoi. On n'a rien compris, on sait plus où on en est. C'est le grand Mendes. On peut retrouver ça dans un film, si, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Au niveau des références de films, je pense qu'on est plutôt bon avec Kylian. Car chez lui, c'est une véritable bibliothèque de CD, de DVD. Effectivement. Parce qu'en fait, il faut dire que, entre guillemets, hein, bien sûr, on vit en cohabitation avec donc mon père. Ouais, c'est ça, vas-y. C'est une maison familiale ou en voilà, fait. Voilà. Et donc, attends, vas-y, je poursuis. Et donc, en bas, il y a le frère de mon père qui va souvent acheter des DVD. Généralement, il se ramène chaque week-end avec 10, 20 DVD par week-end. Donc, il faut se dire qu'il fait ça depuis quelques années maintenant. Et ça prend de la place. Oui, tu peux faire au moins deux murs complets. Ouais, non, c'est exceptionnel. Mais bon. C'est vrai que si je pouvais en vivre, ce serait magnifique, ce serait énorme. Ouais. Allez, on va se retrouver dans quelques instants, toujours sur Hilar FM, votre radio numéro 1 du samedi qui ne vous lâche pas, car on a énormément de matière pour vous. Enfin, du moins, on fait semblant qu'on en a. On vous souhaite une très très belle soirée à notre écoute. Vous êtes dans Jadoul, l'émission qui est là et qui vous donne l'antenne gratuitement. Nous sommes en direct, j'espère que vous passez une très belle soirée à notre écoute. J'adore ce titre, Feder, là, je le trouve frais, en même temps un peu électro comme ça. T'aimes pas toi? Mais il faut dire qu'il sort de la douche. De quoi? Bah Feder, tu dis que tu le trouves frais. Ah d'accord, ok. Padam pam, merci. Et donc j'ai juste une question par rapport à ça, car je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, mais... Oui. Ça, c'est quoi, juste? Tous les hits les plus frais se jouent sur Hilar FM de 19h à 20h. C'est pas un jingle de ton émission? Alors, en effet, c'est un jingle de mon émission. Uh-huh. Et ça dit pas le mot frais? Si, mais en fait, tu piques des musiques de mon émission. C'est ça, non, elle est sortie il y a quand même quelques mois, donc je peux. Et puis même, si j'ai envie de diffuser la dernière de Koum, je peux. Et je peux même t'interdire de la diffuser dans ton émission. Eh ben moi, je vais diffuser Un été français d'Indochine. Je t'en prie. Ah oui, c'est vrai, tu la diffuses plus. Voilà, donc comme ça c'est fait. D'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est que je me suis renseigné sur Indochine. J'ai regardé un reportage complet, oui, pour savoir un peu le parcours et tout. Et j'ai découvert, je ne savais même pas, qui venait de Hilar FM. Non, que c'était des jumeaux, Indochine et Stéphane Sirkis. Oui. Et qu'il y en avait un qui était décédé en 99 et enfin oui. 99 et je savais pas du tout. Ah bon? Non, je savais pas. Je pensais juste qu'il était dans le groupe, mais qu'il avait pas de frères et sœurs. Si, il avait un frère. Et c'est pour ça que parfois, en début de concert, ça dépend quelle musique, tu entends. Une dédicace. Il fait Steph. Ah, d'accord. Tu écoutes bien. Mais il faut entendre qu'il dit Steph. Parfois, on a l'impression qu'il dit Eh. Ah, ouais. Il dit Steph en fait. Ouais, d'accord, ok. D'accord. Donc c'est un petit. Et quant à la compta, ils feront virer. Ne crois pas que c'était une petite virée en bas. Je dirais, je t'en. Bonsoir. Merci. Ça, c'est... Ok, on va appeler Jean-Michel. Jean-Michel. Allô, Jean-Mi. Jean-Michel. Jean-Mi. Ah oui, d'accord. Oh, je pense qu'il dort. Je vais juste essayer de le réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Bon, ça va un petit peu mieux. J'ai l'antenne qui tourne un petit peu moins. Ça vous a dégrisé, je pense. Alors, je suis parti de l'Antarctique. Je suis revenu en Arctique. Et je suis reparti en Antarctique. Mais là, maintenant, tout va bien. Tout va bien, très bien, très bien. Ça va, la voix, Jean-Michel. Je pense que vous allez bien. Alors, vous savez que la semaine passée, on a appelé tous les Jean-Michel de Belgique. Sauf vous, évidemment. Moi j'étais pas là, j'étais avec les policiers russes. Oui mais on a appelé quand même tous les policiers, tous les Jean-Michel de Belgique et on est tombé sur des numéros quand même. Mon père s'en est plus fort, c'est la langue à puce. Ah oui, après avoir léché les chaussures des russes. Bah c'est sûr, parce que là c'est tout. Mais rentrez votre langue, je sais qu'on parle de votre langue donc. Oui, donc en fait là je touchais ma langue mais... Il y en avait qui avaient des petits clous qui sortaient des chaussures et je m'entends dire que les piercings, j'en ai jamais porté. Eh ben, j'en porterai jamais. Et quand vous dites jamais... C'est jamais. Merci beaucoup. Il a pété un câble. Donc voilà, voilà. Bah ok, on va vous laisser. Vous avez peut-être un message à faire passer. Oui. Ah, pour votre femme Nicole. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez... Merci. Pour tous ceux qui viennent de Belgique. Je le sens mal. Moi je le sens bien. Et qui ont très très soif. Oula, non. J'habite au 22 rue du Nord. Ah, apportez-moi. Bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Je l'ai sorti de l'antenne, on ne m'entend pas. Vous êtes malade de donner vos coordonnées à l'antenne. J'ai soif. Ouais, bah je n'en doute pas, mais. Apportez-moi à beurre, 22 rue. Ouais, c'est ça. Mais vous rendez pas compte, les milliers de gens qui nous écoutent peuvent aller chez vous. Exlatorino, c'est chez moi. Allez, venez, s'il vous plaît. Nombreux, vous savez. Ouais, c'est bien. J'ai soif. Ça c'est un chien. Vous voyez, c'est pas pareil. Vous croyez que dans cette éradue, il y en a qui se moquent de moi? Non, du tout. C'est Kylian, je pense qu'il se moque de vous, mais c'est pas grave. Fais gaffe, mon petit Kylian. Quand je viendrai te voir à la régie, dans le studio à la RFM, je te casserai la gueule. Ok, bah c'est super. C'est pas grave. En attendant, les gens... Moi je ne paye pas, hein, parce que si je paye, j'aurai plus rien pour boire au soir. Ouais. Et ça, 32 rue extra. Ouais, c'est ça. Vous me saoulez, monsieur. Voilà, on l'a sorti de l'antenne, je ne le supporte plus. Insupportable. Ah non, mais les gars, c'est marrant parce qu'on commence toujours une belle discussion avec lui, et ça doit toujours se terminer en tête à queue, quoi. C'est dommage. En cacahuète. En cacahuète, j'avais pas entendu. Autrement dit, en cacahuète. Merci. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que je devais dire maintenant? Ah oui, les actus, ça c'est fait. La cassette, c'est pas fait. Allez, on s'écoute. Je sais pas du tout, donc à vous de deviner, plus 32 49 9 15 75 pour nous donner la réponse au standard téléphonique afin de nous dire quel est le titre en question. Et oui, il faut m'appeler. Oui, enfin, bah, il faut m'appeler. Étant donné que Kylian est le standardiste de l'émission. Voilà, je vous répondrai. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ou maintenant pas. J'ai envie de faire un canular, mais je ne sais pas lequel prendre parce qu'on en a écrit beaucoup. Et j'hésite entre 3-4 que j'ai sous la main là. Je vais réfléchir, je vais essayer d'en trouver un d'ici là. Et je viens de voir qu'il y a une mouche dans le studio. Elle est dehors ou elle est dedans? Attends, tu me poses une de ces questions toi? Bah va voir. Parce qu'il y a une mouche là. Attends, elle était dehors, c'est bon. Elle s'est barrée. Ah oui, non, faut pas écraser les mouches, ça se fait pas. Je ne les écrase pas. Tu les écrases. Alors j'ai un ami qui est en ce moment en live. Oh, c'est bien. Il est en train de faire un direct parce qu'il est DJ. Belle mouche qu'on m'envoie dans le standard. Et donc il est DJ et il est en même temps en train de faire son mix. Il est en live là et donc j'en profite pour l'embrasser et voilà, on peut peut-être écouter un petit morceau de son mix là maintenant en direct si je prends son live, comme ça on entend un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Alors son style c'est électro, c'est un petit peu house comme ça. Moi ouais, j'aime bien. Ça fait un peu style ce soir dans cette boutique. N'oubliez pas le défilé de mode de 20h à 22h présenté par Jadoul. Toutes les tenues sont à votre disposition dans le magasin. Voilà. Donc vous avez vu un petit peu le style et moi j'aime beaucoup le son qu'il fait. Donc c'est pour ça qu'il est sur la web radio. Hilar FM Hit à la plage. Non, Hilar FM à la plage, voilà, tout simplement. Alors c'est nous qui ferons à la plage. Donc allez sur son Twitch, hein, le nom de son live c'est 8filter. H-I-G-H-T. Non, G-H, filter, F-I-L-T-E-R, et c'est vachement bien ce qu'il fait à chaque fois, et voilà. Bref, je le salue. What's up? Hilar FM, la radio de vos humoristes préférés. Voilà, comme ça, ça m'a fait une petite transition et il nous a fait un petit WhatsApp comme ça. J'aime beaucoup juste avant le jingle. Ah, j'ai cru que c'était fait exprès, moi. Ah non. Ah, c'est non, pour bah... ça que t'as eu une grande réaction rapide là. Je, bah t'ai, non. Je t'ai vu avec un espace, WhatsApp. Mais non, en fait, j'étais prêt à lancer le truc. Ah, et d'accord. Je vois en même temps qu'il prend le micro, mais c'était complètement du hasard. Ah, honnêtement, bon. il est même en train de parler, je pourrais le laisser, mais non, je ne l'ai pas fait. Mais c'était parce que j'avais envie de lancer le jingle et pile à ce moment-là. Voilà, c'est la synchronisation, c'est le temps, c'est le miracle, c'est la magie. Synchronisation. Merci beaucoup, Kylian, pour ce petit accent. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est la question que je me pose chaque jour quand même. Au final, on a donné un petit sujet en débutant cette émission du 20h-22h qui était la paranormativité. Le paranormal. Exactement. Oui, mais si tu me trouves des noms compliqués... Non, je gueule. Non, mais, tu veux qu'on fasse le 12 paranormal maintenant? Ça, enfin, je, moi, c'est comme tu veux, hein, personnellement. Oui, écoute, bah oui, on peut le lancer maintenant, il n'y a pas de souci. Très bien. On le fait maintenant. Et bon, okay. On le fait maintenant. Eh ben, c'est parti. Je propose. On va faire une nappe, comme ça va structurer un petit peu l'histoire. Et comme ça, on va pouvoir s'enchaîner directement le dos derrière. Donc, déjà, tu préviens, s'il y a des gens qui sont concernés par le paranormal, peu importe le thème, le sujet ou quoi, il faut t'appeler au standard. Oui. Bah oui, il faut m'appeler au standard au plus 32 49 9 15 75. Mais vous pouvez aussi nous contacter. Et ça peut être anonyme. Hein. Exactement. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre page Facebook au cas où. Voilà, la page Thomas Jadoul voilà. Sur Facebook. Voilà. Bah non. Si ah si. Oui, ok. C'est la page de l'émission. Ah bah oui. Bah voilà. Oui alors. C'est la page de moi et c'est la page de l'émission en même temps. Donc voilà. C'est la page de la page. Et là, on va tourne compliquer les page. Gens. Tu es en train de compliquer les gens, ils vont rien comprendre. Allez, c'est déjà assez dur comme ça. Allez, je vous propose tout simplement qu'on parle ensemble. L'antenne est ouverte à vous. C'est pour ça qu'on a créé cette émission. C'est tout simplement pour vous donner accès, vous donner la parole en direct. Et ça, c'est la force de cette émission. Vous êtes en direct. Yann, on se pose maintenant, on devient sérieux, car on va parler du paranormal dans cette émission. Et ouais, je sors. Ma tu vas nous le faire à chaque intervention, ça. Ouais. Alors, tu as été victime de paranormal, mais dans quel cas? Quand je suis né... non, en fait, j'ai été... Enfin non, j'ai été plusieurs fois d'ailleurs, dormir chez ma sœur, et à minuit, pile... Qu'on regarde un film, qu'on peu importe, à minuit pile. Que se passe-t-il? Et tenez-vous bien. Parce que nous, on s'est bien tenus. Il y a eu des pas. Des pas? Des pas. Des quelqu'un qui marche. Ah oui, ok, d'accord. Dans la maison. Ok. Donc, soit à l'étage ou au grenier. Hein. Je comprends. En sachant, donc on s'est regardé avec ma sœur et le copain de ma sœur. On s'est regardé et on s'est dit, eh ben tiens, il y a qui en haut? C'est bizarre, il y a personne en haut. Et les chiens, ils sont où? Ils sont en bas. Tiens, c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il y a des pas en haut alors que tout le monde est en bas? Peut-être quelque chose qui est tombé d'une armoire. Alors, oui, mais quand c'est tous les jours, tout tombe tout le temps de l'armoire. Et donc, c'est vrai. Bah, théoriquement, si vous remettez l'objet à la même place tous les jours et qu'il lui faut 24 heures pour tomber du meuble. Ouais, non, mais il n'y a pas de meuble en étant en plein travaux, donc il n'y avait encore rien, il n'y avait encore quasiment rien. Mais on s'est posé la question. C'était peut-être les voisins qui à 23h, enfin à minuit, 20, non c'était 23h30 je crois par là, allaient peut-être dormir, je sais pas, et bah, c'est tout le temps à la même heure. Tu sais comment savoir si non. C'est les voisins ou pas? Non. ça va te paraître con, mais tu leur demandes. Non, tu peux le vérifier seulement deux fois sur l'année. Donc par rapport au changement heure d'été, heure d'hiver. Ah oui. Et donc tu regardes si le phénomène se fait à 23h une fois que tu as changé l'heure, ou il se fait aussi à minuit. S'il se fait à minuit, ça veut dire que c'est le voisin, il a changé aussi ses horloges et il garde ses habitudes. Ou si c'est un esprit, bah lui il connaît pas l'heure. Mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que le voisin, quand il était là, limite c'était plus rassurant parce qu'on. Attends, je dois juste faire quelque chose. Tu peux arrêter de siffler, s'il te plaît, dans ta musique de merde. J'en ne le supporte plus. Non mais. Ce qu'il y avait de un peu plus rassurant, c'est que le voisin était là. Donc on pouvait s'imaginer que ce soit le voisin de la maison d'à côté. Ouais, je comprends. Le truc, c'est qu'un jour, le voisin était à l'hôpital, donc il n'était pas là. Mais que le bruit était quand même là. Donc il y a des trucs parfois. Et là, pour revenir sur une autre histoire, pour bien vous casser votre ambiance de cette soirée qui était motivante depuis le départ. Attends, pour mettre de l'ambiance. Ouais, yeah, partie techno. Wouh. Et ce soir-là, il y a eu... On retourne dans l'ambiance. Non mais donc, il y a eu une deuxième histoire. Mais on retourne dans l'ambiance. Mais je n'étais pas présent. Avec ma sœur et son copain. Il y a eu des caisses qui sont... Ça va durer très longtemps si on fait ça comme ça. Non, donc en fait, il y a eu... les soirées ont continué, tu vois. Ouais. Et à plusieurs reprises, des caisses sont tombées. Des caisses? Enfin, non, je crois que c'est une fois que les caisses... Des casiers de bière, c'est ton... Non, des caisses. Et ma soeur m'a montré les photos. Des caisses qui étaient... Faut mettre une caméra. Donc de base, elles étaient toutes empilées. Oui. Et là, il y a eu des caisses partout. Éparpillées dans la maison. Enfin, dans la maison, à l'étage, partout. Ouais. Je ne crois pas au paranormal, moi, personnellement non plus. Mais vrai que... Il y a des choses un peu bizarres. Renseignez-vous un jour quand même sur ce parc d'attractions. Je l'ai raconté hier, cette anecdote, à des amis. C'était un parc d'attractions qui a été ouvert et qui, au final, a été fermé car un petit garçon y a perdu son bras. Pardon. C'était quoi ça? Alors du coup, ils ont fermé le parc et figurez-vous qu'il se passait des choses étranges dans ce parc une fois qu'il a été fermé. Et donc des urbex, des explorateurs urbains ont constaté ces faits bizarres et du coup ça a été réputé comme un parc hanté, un parc d'attractions hanté par le petit enfant. Et je vous avoue que ça m'a fait froid dans le dos, j'ai pas réussi à dormir la nuit après avoir regardé ce reportage, mais c'était... Marrant. Et là, c'est la deuxième nuit où Thomas ne saura pas dormir. Voilà. Ceci dit, parce qu'ici on ne donne pas que des mauvaises informations, ils ont retrouvé le bras de l'enfant. Sur ce, on... Oui, non, mais c'est juste dingue quand même de pouvoir se dire qu'il y a des trucs complètement paranormaux qui se créent dans notre quotidien, dans notre univers habituel. Et moi, ça m'angoisse beaucoup. Je sais pas du tout comment réagir par rapport à ça. Et surtout si ça m'arrive, quoi. C'est surtout ça dont j'ai peur, que ça m'arrive. Ça m'arrive. Pas moi, ça t'arrive à toi. Enfin, je redisais ta phrase en fait. D'accord. C'est très angoissant. Si vous avez déjà été confronté au paranormal, envoyez-nous un petit SMS +32 49 95 75 75. On continue le bad trip. C'est ça. Bah non, il faut pas déprimer, il faut pas avoir peur. Mais quand même un peu. Mais pas à 100%. Allez, on va clore le sujet paranormal. Oui. Ok, parce que je pense qu'on a fait le tour. Oui. Et puis, de toute façon, il n'y a pas... De toute façon, tout le monde ne sera plus dormir, donc c'est simple. C'est simple, et surtout qu'il est 53, donc on va pas faire les comptes. Déjà, non. Si, il est l'heure. Ça, c'est mal. Mais, la semaine prochaine... Nous sommes en quotidienne et nous ferons 10 heures de direct, ce qui est complètement dingue en termes de quantité. On va se manger 20 heures en 2 semaines, ça va être exceptionnel. On vous offre ça sur Hilar FM, dans la tranche. C'est juste dingue. C'est ça. Alors, je te propose d'entendre en exclusivité, comme tous les auditeurs, le jingle de d'ouverture, de publicité que je publierai ce soir ou demain sur mes réseaux sociaux, qui va annoncer cette émission quotidienne. Il y a la Coupe du Monde qui crée leur propre générique et tout ça pour les événements particuliers. Il y a l'événement, par exemple, l'Eurovision. Et ben là, c'est Hilar FM carrément qui. C'est ça. Allez, on s'écoute tout de suite le jingle de cette aventure de 2 semaines qui démarre après-demain. Cet été, on ne vous offre pas 2, mais 10 heures de Jadoul par semaine. Jadoul, du lundi au jeudi, de 20h à 22h, sur Hilar FM. Ça me fait bizarre d'entendre quand même du lundi au jeudi. Bonjour, la maltraitance des animaux. Ceci dit, on n'a rien dit, on n'a rien entendu. C'est vrai que c'est très drôle. Mais t'entends à la fin du jingle, il est encore en vie. C'est vrai. On l'entend. Et on n'est pas sûr que ce soit un animal, c'est peut-être une femme qui est passée par là. Et c'est encore pire. C'est pris une balle. Ah, paranormal. Paranormal, c'est ça. On y retourne, c'est ça, voilà. Et on retourne en ambiance. Ouais. Mais. En ambiance paranormale. Non, en meilleure ambiance. Électro. Non, c'est house. House, électro house. J'adore. Je vois Thomas s'ambiancer avec son claquement de doigts. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Les petits enfants là. Ouais, il a gagné. Avec un claquement de doigts. T'as eu quelle enfance toi? Ou alors on a l'impression que tu vas faire. Non, parce qu'il doit faire tout pilou bam, tout pilou bam. Ok, ouais, mais. Ceci entraîne cela. Je suis juste fan. En fait, ça, c'est le procureur du roi de Charleroi, en fait. Ceci entraîne cela. Cela. C'est trop marrant. Bon, allez, avant de se quitter, je vais prendre des nouvelles de quelqu'un. Si tu le veux bien. Oui, moi? Ok. Alors, en fait, je vais bien. Oh, Dieu, est-ce que t'es là? Oh, Fred, mais t'es où? Oh, jamais, je suis là. En haut de la falaise. Coucou. On a fait tous les trois en même temps. J'adore. Voilà, donc. Oui, il y a plusieurs dans sa tête. Non, c'est très très compliqué. On n'a pas la vie facile. Hein. Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. C'est énorme. C'est énorme, effectivement. Allez, je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci. Mais oui, malheureusement. On est quand même dans les temps. Hein. Qui sont. Oui, c'est vrai. Il est 56. Ouais, il est 56, on est et un peu dans les temps. Et qui dit 56 dit bientôt fin d'émission. C'est pas plus compliqué, hein, c'est pas le jeu des 5 mots. Hein. C'est très incertain et assez flou. Merci Terence. Qui n'est pas là? T'es où, Terence? Reviens. Si vous, on appelle quelqu'un complètement au hasard. Ok. On appelle quelqu'un complètement au hasard et on lui demande quelque chose, trouve-moi un numéro dans l'annuaire au hasard et on lui demande si on peut rendre l'antenne. D'accord, très bien. On lui demande, est-ce que vous nous donnez l'autorisation qu'on rende l'antenne? Comme ça, on va un petit peu lui demander. Il est maître de cette émission et s'il nous dit non, bah, on lui raccroche au nez. Non, je sais pas, mais bon, voilà. Comme ça, on va jouer à ça. Ça peut être marrant, quand même, je sais pas. Je viens de tomber sur cette idée-là. Attends, je vais essayer de te trouver un numéro. D'accord. On peut pas lancer une musique en attendant parce que le temps que je trouve un numéro. Voilà, donc ça répond à ta question. Oh, merci, ça fait plaisir. Mais j'ai pas le temps, si je lance une musique, on aura pas le temps de faire l'appel. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quoi? Je peux lancer une courte musique par contre. Ouais, ok. Allez, c'est parti, je l'ai annoncé, c'est parti. Voilà. Merci. T'en as un? Tu connais pas une autre musique? Oh non, t'en as pas là! Mais si, en fait, j'ai mis. Si, t'inquiète, attends, tu vois. Oh là là, tu te rends compte qu'on a fait perdre 2 minutes de la vie des auditeurs? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est scandaleux. Et tu leur dois. Tu vas mourir 2 minutes plus tôt. Ah bien, parce que tu leur dois, parce que j'ai mis annuaire et ça m'a mis annulaire. Et du coup, j'avais un doigt. Et à ce moment-là, au moment où le doigt s'est affiché sur mon écran. T'es seulement en train de chercher l'annuaire? Non. C'est ça. Standardiste 2.0. Mais non, en fait, c'est parce que de base, je voulais. Ouais, mais je peux pas le dire, sinon ça va être cramé. Ouais, mais de base, bah non, bah voilà. Attends, J'espère que je suis pas sur le répertoire des urgences, parce que. Ouais. Ah ouais, non, en fait, ok. Ok. La politesse, c'était de demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Allez! Allez quoi? Mais fais quelque chose, bouge! Ok. Au pire, je te tape carrément un numéro au hasard. Mais genre un que je compose, j'avance. Vas-y, je t'en prie. Ok, vas-y, allez, je fais ça. On commence par 0495 et je te laisse trouver des numéros au hasard. J'en mets deux au hasard, vas-y, mets-en deux aussi. Ok. Bah, t'as pas besoin de le prendre, pousse sur deux numéros. Ah oh, oui, c'est vrai. Voilà, je reprends le standard de mon côté. Je sais même pas si j'ai appuyé sur deux numéros. Voilà, on l'appelle le numéro, je sais pas si ça va sonner quelque part. Ya, ya, darnée, comme. Allez, c'est parti, on l'appelle. Oh, ça sonne en plus! Donc c'est un numéro attribué, c'est génial! Allô? Allô? Oui, allô monsieur, bonjour, on ne vous dérange pas? Ok, merci beaucoup, je pense que je le dérange. Allez, c'est pas grave, on y va, on en fait un autre, c'est parti complètement au hasard. Non, pas attribué, ça peut arriver, on ne peut pas être bon à chaque fois. Hop là, c'est parti, en voici un autre. En voici, en voilà. Mais on a eu quand même beaucoup de bol hein, au début. Hein. Ah, ça sonne. Mais... Oh. Allô, un problème. Allô, bonjour. Yeah, hello. Ah, vous parlez français? Non, je parle pas le français. Je pense que vous êtes trompé. Hein? Oui. Trompé. Numéro faute. Ah, ah oui, non, je ne me suis pas trompé. Vous parlez quelle langue? Anglais? English? Netherlands. Est-ce que tu parles néerlandais toi? Pas du tout. Non, pas du tout. Bah, thank you, gracias, and bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Voilà. Ok, donc je n'ai aucune notion en portugais. Thank you, gracias. Mais il a pas dit portugais. Oh, c'était pour rire. Allô? Allô, bonjour. Vous parlez français? Non. Non, du tout? Allô? Ok, très bien. Ok, je pense que la dame n'a pas beaucoup aimé. En fait, elle se dit, je suis pas là. Non, je réponds plus. Ils vont croire que je suis pas là. Ça va couper. C'est ça. Si je ne réponds pas, ils vont penser que je ne suis pas là. Allez, c'est pas bien grave. En fait, attends. Allez, oui. Un dernier. Vas-y. C'est parti. Vas-y, je t'en prie, fais-en un. Un dernier. Et je veux même pas le voir. Vas-y, appelle-le directement. C'est parti. Suspense. T'as changé juste le cas. Ça sonne. Ça va quoi être un néerlandais? Je t'entends. Hello. Hello. C'est mauvais signe. Hello, Heddy, qu'est-ce que tu veux, toi? Maman. Moyen. Non, de cross. Qu'est-ce que tu veux? Allô? Allô, Berens. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Ah, voilà, on voudrait juste vous poser une question. Nous sommes en direct à la radio, madame. Oh. Une question. Ce n'est pas... Non, pas d'intérêt, monsieur. D'accord, ok. Excusez-moi. Bête de rien, au revoir. Au revoir. Voilà, on tombe sur des gens qui parlent pas français. Mais c'est marrant ça, quand même. Vous parlez français? Oui. Alors, on aimerait vous poser une question. Ah, parle pas français. Oui, allô? Allô, bonjour. Verkeerd nummer. Ah, vous parlez français? Non. Non? Ah, dommage. Je voulais juste vous dire que vous êtes mon voisin de numéro de téléphone. J'ai le 42, moi. Merci, voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais appeler mon autre voisin. En fait, j'appelle mes voisins de numéro de téléphone. Non. Oh, en plus, mais en fait, mes voisins de ligne sont vraiment juste des... Flamingues? Des flamingues. Le mien. C'est un peu le mien en voisin. Enfin, oui, en voisin. Je téléphone mon dernier voisin. Il n'est pas là, ton voisin. Allez, tiens, tape le voisin de ton numéro de téléphone. Tiens, c'est marrant ça. Qui est le voisin de votre numéro? Quand tu dis voisin, c'est genre tu changes un chiffre? Oui, le dernier chiffre, tu le changes. Comme ça, tu sais qui est ton voisin en fait. C'est juste marrant. Donc tu te dis que le gars a souscrit à un abonnement téléphonique juste un peu. Voilà, je mets le numéro. Purée, j'ai remonté à l'antenne, oui. C'est pas très propre. J'ai mis le numéro en dessous. Enfin, la lettre en dessous. La lettre. Le chiffre. Le chiffre en dessous, d'accord. Ok, très bien. On l'appelle, c'est parti. Je le sens pas. Vous êtes bien, chère Marie. Veuillez laisser votre message, s'il vous plaît, après le but sonore. Merci. n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Oui, allô, c'était Laurent Ruquier pour la valise RTL. Voilà, c'est dommage, vous auriez pu gagner la valise si vous m'auriez dit le montant en direct sur RTL. J'espère que vous nous rappellerez, Marie. Et on vous remercie de vous être inscrit. Voilà, c'était les grosses têtes de Laurent Ruquier qui voulait vous proposer la valise RTL. Merci beaucoup, au revoir. Non, je sais pas. Il a voix truquée. Ouais, non, mais on sent que c'est pas Laurent Ruquier. Bon, on le voit aussi. On le voit, c'est sûr. Bon, bah voilà, bah, tant pis, on aura eu personne en Et le voisin du dessus. Bon, on va pas tous la faire. Hein. Tant pis, bah, c'est dommage. Ça aurait été sympa qu'on ait quelqu'un en ligne pour pouvoir nous dire si on peut rendre l'antenne ou non. Mais voilà, moi, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Qui sait, on ne sait jamais. Il y aura encore sûrement des autres appels dans cette émission. Enfin, du moins, on essaiera d'en refaire. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on rende l'antenne. Kylian, le mot de la fin ? Au revoir. Au revoir, d'accord, juste comme ça, au revoir. D'accord, ok, très bien, pas de soucis. Désolé, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Bon, allez, c'est bon, commence à m'emmerder. C'est bon, je pète un câble. Je commence à m'énerver, là, ça va commencer à être violent. Le mec, il commence à perdre péter un câble en direct, il a aucun contrôle de lui-même. Voilà, j'espère qu'en tout cas notre dossier sur le paranormal nous vous aura plu, car on s'est beaucoup amusé à vous en parler, et peut-être qu'on vous en refera un durant la semaine, parce que c'est un sujet qui m'inspire beaucoup, donc je vais peut-être me renseigner d'ici là, et Kylian aussi sûrement va revenir avec plein d'autres sujets à ce niveau-là. Effectivement. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors ne vous moquez pas, il n'y avait rien de drôle dans cette phrase. Bon, moi j'ai rien vu de drôle en tout cas. Allez, je peux rendre l'antenne, tu peux dire au revoir. Salut. Voilà, ok, ça c'est fait. Allez, j'espère en tout cas que vous avez passé une belle soirée à notre écoute, n'est-ce pas Claire ? Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été fidèle. Et n'oubliez jamais... La vie est belle, aussi belle que toi. Et on se retrouve la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis. Et en tout cas, on ne vous lâchera pas, car après-demain, on commence pour un marathon de 20 heures en direct. Ça va être exceptionnel ! Out.